Donc, on est présentement avec Adam Lefloïc Lebel, chercheur étudiant, collectionneur à l'UQAT. Collectionneur à l'UQAT. Collectionneur. Je me suis tout mélangé dans mes affaires. C'est pas grave. Chercheur étudiant à l'UQAT et collectionneur. Et aussi streamer. Et où on est avec Danny Gay-Bélanger, historien public, doctorant à l'UDM et représentant francophone de l'Association canadienne de l'étude des jeux. Bonjour. Bon, ben salut les gars. Cette semaine, pour les quatre prochaines semaines, on va parler d'un sujet qui vous touche quand même pas mal. Un sujet qu'on parle souvent à Epistemia quand même, les jeux vidéo. Et plus spécifiquement, la préservation de ceux-ci. Souvent, j'arrive pour dire la conservation. Je ne sais pas si c'est comme quel mot qui est préférable. Personnellement, j'utilise plus préservation, mais encore là, je pense que si on regarde dans mon mémoire de maîtrise, ça se peut que ça se promène d'un à l'autre et que c'est interchangeable. Il y a peut-être quelqu'un à quelque part qui grince des dents parce qu'il y a une différence dans la définition, mais... Ouais, moi aussi j'utilise préservation, mais moi je viens plus de la sphère anglophone. Fait que c'est vraiment preservation qui est utilisé partout et non conservation. Mais peut-être que ça pourrait être utilisé comme pour alterner un peu, mais moi j'utilise jamais, j'utilise juste préservation, franchement. Ouais, c'est parce que je me posais la question si c'est un anglicisme ou non. Puis souvent quand j'en parle, on arrive avec justement de préservation, puis j'ai la tendance à dire conservation, même si, écoutez, on en apprend tout le temps à Epistemia. Moi, je pense à des conserves quand on parle conservation. Ben oui, ben c'est ça. Ben, ma soeur en a fait. C'est la conservation des animaux. Là. Il me semble quand aussi, quand on essaie de d'aider les espèces en voie de disparition, là, c'est pas conservation rendu là. Fait que c'est peut-être sûr qu'il y a une nuance à quelque part. Et on part... Ça part mal pour moi, là. Je suis en train de dire que je sais pas exactement c'est quoi mon mot préféré. Mais on va plonger là-dedans. De toute façon, on va se faire bien du fun. C'est quoi un peu l'enjeu de la préservation des jeux vidéo? Parce que moi, je connais ça un peu, mais j'imagine que les gens à la maison, ils savent pas comme pourquoi et comment préserver un jeu vidéo. Parce qu'il y a eu des coupes d'affaires... dans les dernières années, justement, à propos, mettons, de Flash Media Player, comme il y a des gros pans des jeux que beaucoup de gens jouaient dans leur jeunesse qui sont devenus plus accessibles à cause de certains changements. Ou aussi, juste comme des jeux comme de manière physique qui sont comme un peu perdus dans le temps, comme des vieux jeux de Coleco ou certains jeux qui sont comme, mettons, sur tape cassette, là, des affaires comme ça. Fait que, c'est quoi un peu l'enjeu de la conservation des jeux vidéo? Ben en fait, déjà dans ce que tu as dit, on voit qu'il y a différents enjeux, parce que là, quand on parle de Flash, là, on est dans des trucs qui sont complètement en ligne. Ou sinon, un des premiers enjeux, je pense, qui est venu beaucoup en surface, c'est tout ce qui est détérioration, parce que justement, ta cassette magnétique, là, cassette audio que tu mettais dans ton... Commodore 64, par exemple, ça va se détériorer. Les cassettes, ben les CD, les cassettes de Nintendo ou ces trucs-là vont se détériorer naturellement. C'est inévitable. Tout le matériel va est en danger, là, si on veut être fataliste, là, mais tout ce qui est matériel va finir par arrêter de fonctionner. Fait que c'est un des premiers enjeux qui est assez public ou qu'on mentionne souvent. Là, c'est à un moment donné, ce stock-là va arrêter de marcher, donc on va essayer de le garder en vie le plus longtemps possible, puis en l'entretenant, puis en essayant d'aller chercher là, ces cassettes-là, ce matériel-là chez les gens, ou en tout cas s'arranger que ça finisse pas dans un dépotoir ou dans une poubelle, par exemple. Ouais, ben c'est ça, on n'a comme pas tendance à s'imaginer que ces affaires-là vont périmer. Parce que c'est électronique, c'est de l'électricité, c'est du métal, puis du plastique. Mais essentiellement, c'est un peu comme n'importe quoi d'autre. Les livres, les films, d'ailleurs, les films, c'est très difficile à conserver ou à préserver. On a plusieurs choses comme le bit rot, le disk rot, apparemment, comme les CD qui peuvent moisir, entre guillemets. Danny, tu as quelque chose à dire là-dessus? Ouais, ben dans le fond, tu sais, c'est ça. C'est quand même intéressant parce qu'on a des fois on a la notion que qu'est-ce qui est comme numérique, tout ce qui est digital, peu importe, comme l'Internet, ça va durer pour toujours, mais c'est extrêmement instable. C'est même vraiment plus instable que bien les choses. Tu sais, juste pour donner une idée, puis pour enchérir sur ce que Adam disait, tu sais, une disquette, par exemple, là, ça dure à peu près une trentaine d'années dans les meilleures conditions, environ. Les CD, on est comme pas trop sûr parce que ça dépend vraiment de la qualité. Tu sais, c'est super, super instable parce que, tu sais, l'humidité, ça va changer ça. Les plastiques, ça dégrade aussi vraiment rapidement. Puis c'est un gros, gros, gros enjeu de préservation présentement pour des, bien les musées. Un bon exemple de ça, tu sais, moi, j'ai travaillé un peu, j'ai fait un stage, en fait, pendant un an au Musée des sciences et technologies du Canada pendant ma maîtrise. Puis justement, c'est une des choses qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Tu sais, comment gérer la détérioration des plastiques. Donc, c'est encore plus instable que bien des matériels qu'on connaît présentement. Fait que, tu sais, on peut pas penser à une console, par exemple, comme une NES, une Nintendo Entertainment System, qui va durer 300 ans. C'est même pas envisageable. Ça va se détériorer bien avant, t'sais. On mentionne, si je pense, t'avais dit justement, là, les trucs qui... Tout se détériore, puis on pense peut-être pas aux jeux vidéo. Il y a des livres, justement, un livre, c'est écrit sur une feuille de papier. À un moment donné... ça va détériorer aussi, mais ça, tu sais, il reste là, puis on a aussi depuis longtemps de développer une expertise, ton impression papier, ça va rester quand même longtemps, là. C'est ça, c'est imprimé là, ça tient, mais tes électrons sur ton ROM ou sur ta puce, ces affaires-là, pas tant, là, surtout si on regarde les prototypes de jeux, qui est une autre catégorie qui est fragile, puis qu'on surveille beaucoup. Les prototypes, c'était fait sur un type de puce qui était reprogrammable, parce que justement, on veut l'effacer, on veut remettre de quoi dessus rapidement. Mais ça, les bits vont s'effacer là rapidement. À un moment donné, ça disparaît. Donc, les prototypes font partie des sortes de jeux aussi qui sont plus à risque, mettons, là, on va pas dire danger, parce que c'est peut-être un peu extrême, mais tu sais, sont à risque, c'est beaucoup plus fluide, là, ça va pas rester ultra longtemps, donc, il y a des gens qui se concentrent justement à mettre la main sur des prototypes, extraire le code pour le mettre sur un format qui va durer plus longtemps, ou après ça, qu'on peut toujours comme essayer de recopier ou de multiplier, c'est une façon qu'on peut les préserver, là, en multipliant les copies, pour essayer de les sortir de ce petit ROM-là qui, lui, va pas survivre super longtemps. Là. C'est ça, parce qu'essentiellement, les prototypes, une des raisons pour lesquelles ils sont plus en danger que d'autres, c'est parce qu'il y en a moins. Oui, aussi. Puis, justement, un prototype d'un jeu, ben c'est une version différente de ce qu'on... ça peut, en tout cas, là, dépendamment du prototype, date de combien de temps, mais c'est une version différente. Donc, encore là, on veut vouloir... observer qu'est-ce qui a changé d'une version à l'autre, ou des fois c'est des prototypes qui ont jamais vu le jour ou qui sont complètement différents, donc ça peut être super intéressant de voir les différences, là, comme il y a un jeu de Nintendo, Parody World, ben c'est le nom japonais, c'est Monster Party, qui la version japonaise a jamais vu le jour, mais finalement on s'est rendu compte, on avait trouvé un prototype, on a fini par sortir qu'il y avait du prototype, puis la version est complètement différente, il y a des boss qui sont changés, plein de clins d'œil à la pop culture de l'époque, qui sont pas rendus dans la version américaine, très probablement parce que c'était un peu du vol de propriété intellectuelle. Donc là, ils ont été changés dans la version américaine, donc ça c'est super intéressant de voir les différences entre la version japonaise, la version américaine, puis on peut essayer de s'imaginer justement comment on utilisait impunément les propriétés intellectuelles de d'autres compagnies comme ça, donc c'est super intéressant de le regarder. Si on l'avait pas découvert, si on n'avait pas extrait ce jeu-là de sa petite puce de prototype, éventuellement, il aurait juste disparu aussi. Je trouve ça juste vraiment intéressant qu'on a des livres, tu sais, des livres en papier, des fois aussi en cuir de provenance douteuse, qui sont justement préservés depuis des centaines d'années, mais qu'on se ramasse avec des objets qui dureront pas probablement plus qu'une trentaine d'années. Danny, avant que je pose ma question, as-tu quelque chose à dire? Ben, en fait, juste une petite clarification, parce que j'ai appris ça quand même récemment, en fait. en parlant à un bibliothécaire, qui s'intéresse aussi à la préservation du jeu. Fait que, ça, c'est davantage, des fois, d'avoir du monde de même dans ces cercles. c'est vrai qu'on a des livres qui durent depuis des centaines d'années, mais c'est des extrêmement vieux livres. Les livres au plus récents, là, ils t'offrent à peu près 50 ans. Là, ils t'offrent à peu près la même, ou en tout cas, c'est le chiffre que je me souviens qui m'a dit. Donc, ça se peut fort bien que j'aille la date pas exacte. Mais ils durent pas tant longtemps que ça, franchement. C'est sûr, par exemple, qu'on a déjà beaucoup d'expertise sur comment préserver des livres, comme Adam disait un peu plus tôt. Fait que c'est sûr que ça change un petit peu la donne parce que malheureusement ce qui se passe avec le jeu vidéo puis le software, ben le logiciel pardon en général, on n'a pas la même expertise. Mais ouais, les nouveaux livres ils durent pas tant longtemps que ça, fait que c'est quand même un problème de préservation aussi. Ah c'est drôle ça parce que les nouveaux livres c'est des produits de masse qui sont faits justement pour être le plus rentable possible, donc de manière moins dispendieuse, avec des matériaux plus friables, j'imagine. Plus... C'est cheap, comme on dit. J'essaie d'éviter le mot pour avoir l'air comme... Ouais ben moi, mon cerveau bilingue, moi, il va juste sauter tout de suite au premier mot qui vient à ma tête. Fait que pour moi, ça vient naturellement, cet anglicisme-là. Ouais, je te feel, man. c'est ce que je trouve drôle... C'est que il y a un aspect physique avec justement les bits informatiques. Je sais pas si vous êtes comme équipé pour en parler, mais ce que j'ai entendu à un moment donné, c'est que essentiellement, ce qui peut arriver dans des puces, c'est que comme de l'électricité est comme stockée, tu sais, en termes de comme il y a un bit ici, genre, fait qu'il y a comme un électron, quelque chose. Puis il y a des rayons cosmiques qui peuvent juste venir comme les ôter de là, les balancer, les faire disparaître. Puis c'est un peu ça qui se passe, comme ils se font déplacer par les rayons de l'espace. Quelque chose une considération qu'on n'avait pas avant avec d'autres matériaux de stockage. J'ai vu ça passer aussi, puis ça semble intéressant à approfondir. Faudrait que je lise un article plus complet là-dessus. Ben, c'est le genre de truc qui est aléatoire, mais qui peut être super rare, mais qu'à un moment donné, c'est ce qui fait que ça va comme corrompre quelque chose, puis ça va pas fonctionner. Fait que j'imagine que c'est peut-être quelque chose qui participe au bit rot, puis qui était peut-être pas... qu'on savait pas avant, ou que c'était une hypothèse qui était peut-être pas mise de l'avant, mais éventuellement, justement, les bits, le code dans ta puce... finit juste par plus marcher. À un moment donné, une cassette va juste chou, pas fonctionner. Puis, si je peux enchaîner un petit peu là-dessus, ce qui est encore intéressant en plus à ça, tu sais, tu mentionnais le bitrot plutôt. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand tu parles du bitrot, tu sais, c'est quelque chose qui arrive naturellement, mais c'est tellement pernicieux, là, c'est tellement impossible à prévoir. Tu sais, en gros, ce qui se passe, c'est tout est en code binaire, évidemment, des 1 puis des 0. C'est qu'à un moment donné, ces 1 pis ces 0-là vont être juste changés. Random. C'est au hasard. On sait pas trop lequel qui va changer. Des fois, ça fait absolument rien. Des fois, ça fait juste un petit glitch d'image. Des fois, le son est un petit peu weird. Mais c'est tout. Mais des fois, il y en a un qui change puis au complet, ça brise puis tu peux plus l'utiliser du tout. Fait que c'est totalement aléatoire. On a aucune idée de qu'est-ce que ça va faire, mais c'est quelque chose qui arrive. Puis des fois, justement, c'est juste un petit 1 qui devient un 0 ou un 0 qui devient un 1 pis tout foire. D'un coup, c'est ce qui rend encore là la préservation de tout ce qui est numérique extrêmement complexe, parce que tu sais un livre par exemple, tu sais, bon, on a une page, mettons là qu'il y a des mythes ou quelque chose, des insectes qui vont commencer à aller dedans, il y a de la moisissure qui se crée, bon ok, ça va affecter une partie par exemple, mais ça va pas potentiellement faire, en tout cas à moins que ça dure extrêmement longtemps là, mais le moment où ça commence, où il y a mettons la première mythe qui prend sa première bouchée, ça veut pas dire que le livre au complet il est fini là. Tandis que dans le numérique, ça se peut. Mais c'est un peu comme les... aussi, des fois, les technologies qui évoluent, justement, ça cause un peu ce problème-là. Si on regardait une cassette VHS, disons, ou tes cassettes audio, un ruban magnétique, fait qu'il y avait des jeux aussi qui étaient sur ruban magnétique, il peut y avoir des parties, si tu regardais un film qui est endommagé, ben, ton image sera pas belle, ou il y a de quoi qui va pas fonctionner, mais le film va continuer, puis il va se lire aussi. Mais là, tu passes au CD ou au DVD... il peut avoir une scratch dedans, parce que c'est pas juste le CD bronzing ou il y a pas juste ça qui l'affecte, tu fais une scratch sur ton CD, peut-être que ça fonctionnera plus du tout. Fait que là, t'as une scratch, c'est pas juste une partie de ton film sur DVD ou de ton jeu qui va être un peu moins beau, c'est on n'est pas capable de lire, meilleure chance la prochaine fois. Puis il y a ça aussi. C'est comme j'imagine le terme que j'utiliserais, vous me direz si c'est adéquat. C'est comme, mettons, une cassette VHS, un film en image qu'on passe dans un projecteur. C'est comme, c'est des médias comme linéaires, qu'il va tout passer, comme qu'une partie qui soit endommagée ou non. Tandis que sur un CD ou sur un programme, il y a comme une architecture qui est supportée par probablement des genres de comme piliers informatiques, puis il y en a qui peuvent juste faire écrouler comme toute la structure s'ils sont pas là. Ça me semble. Il faudrait peut-être avoir aussi la confirmation de quelqu'un d'un peu plus techno que moi, ou peut-être que Danny aussi, mais ça me semble tenir la route, ouais, justement. Ben, c'est juste pour les CD, admettons. Ouais. Si ton... Juste comme la première partie du CD qui annonce que le CD est en train d'être lu, existe plus, ben le CD est comme illisible rendu là. T'sais. C'est comme le disc rot, ça peut être juste comme une couple de petites parties pas loin du trou, là. Ouais. C'est ça. Ça peut être un peu n'importe où, puis ça tue la chose. On s'imagine qu'avec l'Internet, la préservation serait plus facile, non? Non. L'Internet, autant que c'est utile pour préserver, mettons, une masse d'informations vraiment impressionnante, là. Il y a tellement de choses qui finissent par se ramasser là-dessus. Des fois, ça a même l'effet contraire. En fait, on préserve tellement de choses, surtout avec la numérisation, par exemple. Je parle de mon point de vue d'historien, qu'il y en a beaucoup qui passent leur vie dans des archives, puis maintenant, évidemment, dans des archives qui sont maintenant numérisées. Il y a trop de stock, fait que ça cause le problème contraire où il y a tellement d'informations que tu sais plus quoi faire avec. Fait que faut que tu crées toi-même des limites. C'est plus comme, je suis allé dans cette petite archive religieuse-là, à l'autre bout du monde, puis ben, l'information que j'ai, c'est l'information que j'ai, puis c'est tout. C'est rendu plus, ben, là, j'ai tellement de stock qu'il va falloir que je fasse un filtre par moi-même. Mais en même temps, justement, comme je disais, tu sais, c'est qu'il y a, l'Internet est super instable. T'sais. On peut le voir avec nous, ceux qui sont familiers avec l'Internet Archive. Ils ont la Wayback Machine, fait que c'est possible d'aller voir des pages dans le passé, mais c'est pas toutes les pages qui ont été préservées. Il y a des liens, la Wayback Machine, qui vont pas nécessairement fonctionner pour toujours. L'Internet Archive est très, très focusé sur l'Ouest. Global South, là, tout ce qui est le monde dans le Sud, là, Amérique latine, etc., là, Afrique, pas autant intéressant. Fait que tu sais, il y a plein de problèmes, des problèmes qui sont déjà là sur d'autres types de plateformes, d'autres types d'archives, etc. Mais qui se représentent encore là, même si évidemment l'Internet aime bien se voir comme étant, tu sais, démocratiser tout, etc. Puis ouais, oui puis non, tu sais, ça démocratise tout, mais ça dépend t'es qui, tu sais. Fait que il y a ce problème là. Puis, ben comme je dis, c'est ça. Il y a plein de choses qui vont disparaître carrément. Tu sais, il y a des forums de joueurs qui parlent de leur communauté. Tu sais, mettons un exemple vraiment récent, tu sais, Reddit par exemple. Tu peux tellement trouver d'informations sur des choses comme ça. Mais en même temps, tu sais, c'est quoi les politiques par exemple de ces plateformes-là qui vont potentiellement enlever des choses, des pages, ils gardent pas nécessairement garder toute leur information. Ça, c'est des choses qui vont arriver. Tu sais, fait que l'Internet, autant que ça donne plein d'outils, que c'est super pratique, c'est hyper instable. Puis des efforts de préservation de l'Internet, ça existe, mais encore là, avec toute la quantité d'informations qu'il y a, essayer de tout préserver, c'est impossible. De toute façon, quand on parle de préservation, il y a aucune personne qui travaille en préservation qui connaît ça, qui va dire « Ah, ben, on va tout préserver. » C'est impossible. Je veux dire, tu peux peut-être avoir une liste complète, tu sais, complète avec des gros guillemets, là, de qu'est-ce qui a existé, mais de préserver une chose dans son entièreté, bonne chance. Tu sais, on n'a même pas toutes les choses que, mettons, Shakespeare a écrites, là. C'est impossible. On n'a pas toutes les millions de versions de livres qui ont existé, même toutes les petites versions, les différentes rééditions, etc., qui ont existé, on les a pas, là. C'est pas un problème, en fait, en soi. C'est juste normal. Faut juste apprendre à gérer ça. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Une archive, une collection de musée, peu importe. Il y a pas tout. C'est correct. Quand on parle de l'Internet, on parle de compagnies. C'est, j'ai mentionné en début d'émission, Flash, qui comme plus utilisable à cause de certaines comme politiques de certaines compagnies qui font que, ben, on change notre manière de fonctionner. Donc, ces affaires-là sont plus accessibles. Donc, les compagnies sont un peu comme, sont un peu comme l'ennemi de la préservation. Puis souvent, c'est comme pas dans leurs intérêts aussi de participer à la préservation, je pense. Mais généralement, aussi si on regarde les jeux vidéo, les compagnies sont pas très bonnes de façon générale pour préserver leurs propres héritages, disons. Puis, comme tu dis, c'est pas nécessairement dans l'intérêt, parce que généralement, l'intérêt d'une compagnie, c'est quand même de faire des bénéfices. Puis, de juste avoir un gros catalogue de toutes ses archives, puis le catalogue de tous ses jeux, puis garder tout ça. Ça veut pas dire que vont avoir de l'argent à faire avec ça. C'est pour ça aussi, ben, soit on voit, surtout récemment, là, des compagnies ressortir des jeux pour essayer de faire un peu d'argent avec ça. Puis c'est pour ça que les compagnies aiment pas voir de l'émulation ou le partage de leurs jeux en version piratée sur Internet. Ce qui fait justement aussi, à chaque fois qu'ils attaquent des sites qui sont des gros inventaires, des grosses banques de données de ROM pour l'émulation, ben là, ils se font attaquer, puis ils se font enlever de l'Internet, ou ils se font détruire. Donc là, ça devient un petit peu plus difficile à trouver dans ce temps-là. Même s'il y a à peu près toujours une manière de finir par trouver ce que tu cherches, là. Mais encore là, c'est pas garanti. Donc, c'est ça. C'est pas vraiment le focus des compagnies de permettre à tout le monde d'avoir un accès à tout. Attends, on va dire ça comme ça, là. Apparemment que récemment Sony a décidé de faire un peu plus de préservation là, in-house là, chez eux, puis que Nintendo aurait ses propres archives, mais qui sont pas publiques, qui sont juste pour eux autres. Mais encore là, dans ce temps-là, c'est juste dans une voûte, puis ça sert pas à personne. Fait qu'encore là, ça aide pas non plus. J'aime que ça a pris à peu près 20 minutes avant qu'on commence à parler de capitalisme. Merci. Mais ouais, non, pour vrai, c'est pas nécessairement un incentif de... Ben, c'est contradictoire, je trouve, en fait. Je pense que les compagnies voient pas le bénéfice de faire ça. Puis ça, c'est pas juste dans le jeu vidéo, c'est dans le software en général. Là. Avec tout ce qui est logiciel, tout ce qui est informatique, les compagnies sont assez mauvaises pour faire ça en général. Mais il y a quelques exceptions. Tu as mentionné Sony, peut-être Nintendo avec leurs affaires cachées, mais bon, Nintendo est tellement comme protecteur d'absolument tout, là, grand maître Nintendo. Ouais. Là. Mais il y a des compagnies qui ont commencé à faire ça. EA maintenant, donc Electronic Arts, ont carrément des archivistes maintenant qui travaillent pour eux. Là. J'en connais quelqu'un que je suis sur Twitter, puis j'ai interagi une couple de fois avec, là, si on peut appeler ça connaître. Peut-être que dans le monde post-COVID, on peut dire oui, mais bon. C'est un mutual. Ouais, exact. mais justement, tu sais, maintenant, il y en a des gens qui font ça. Bon, là, c'est quoi exactement leur pratique, puis tout ça, tu sais. Là, ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai que je pense que les compagnies ont souvent pas l'impression que ça va être à leur bénéfice quand ça pourrait l'être. Puis je pense aussi qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur comment ça se passe, parce que un des gros problèmes qu'il y a avec les compagnies, c'est qu'ils sont tellement protecteurs de leurs droits d'auteur. C'est vraiment incroyable. Mais même au point où c'est au détriment, dans le fond, de ce même droit d'auteur. Parce que, tu sais, dans le fond, si je donne un exemple aux États-Unis, t'as le Digital Millennium Copyright Act, donc ce qui gère justement tout ce qui est droit d'auteur numérique aux États-Unis. Puis ça, c'est voté à peu près aux 3 ans, si je me rappelle bien. Puis la dernière fois que ça a été voté de mémoire, là, ça a peut-être changé depuis, parce que vu que ça change aux 3 ans, ça se peut que ça fait trop longtemps que je suis ça, puis je me rappelle plus les années se mélangent. Mais il y a une année, par exemple, où il y avait justement des musées, des archives, etc., toutes sortes d'institutions patrimoniales qui voulaient essayer de préserver des serveurs de jeux en ligne, tu sais, des MMORPG, là, des jeux massively online, comme dans le genre World of Warcraft, ces choses-là. Puis l'industrie, puis quand je dis l'industrie, on parle plus du côté légal, les départements légaux des compagnies, ont fait pression pour pas que ça soit préservé, parce que eux autres, ce qu'ils voyaient, c'était que, si mettons, ça se rend dans une collection de musée, puis que là, ils font une exposition avec, puis là, ils chargent le monde pour rentrer, ils font du profit avec notre droit d'auteur. C'était ça, la logique. Par contre, ça oublie le fait qu'une archive, un musée, etc., c'est leur but premier, c'est pas nécessairement de faire du profit. C'est sûr qu'il y a des petits musées privés, mais dans le sens où c'est de préserver les choses puis l'accès. Puis il y a beaucoup de musées justement qui ont, en fait la plupart des musées ont vraiment des manières de fonctionner sur qui a accès à différents matériels. Je vais donner un exemple, encore là, Musée des Sciences et Technologies, c'est celui que je connais le mieux. ils ont des objets autochtones, des technologies autochtones, puis sont venus à des ententes avec les groupes qui, dans le fond, ont fait donation de ces objets-là, pour que ce soit seulement eux qui aient le droit de les manipuler ou les utiliser. Ils peuvent toujours être exposés, mais avoir accès en tant que tel, tu sais, vraiment comme l'utiliser si on veut, y toucher, peu importe, à part évidemment quand on met une exposition, peu importe, c'est fait en collaboration avec la communauté. Fait que le but d'un musée, c'est pas juste de, il est à moi, puis maintenant je vais faire du cash avec. C'est vraiment pas ça. Mais je pense qu'il y a vraiment une incompréhension sur comment le patrimoine, comment tout ce qui est institution patrimoniale fonctionne, c'est quoi leur but. Puis aussi que dans le fond, à long terme, évidemment, c'est ces groupes-là, ces institutions-là qui sont les plus outillés pour faire cette préservation-là. Puis c'est quelque chose en plus qui amène encore plus de notoriété à ces différentes compagnies-là. T'sais. Si les jeux font juste disparaître après, après mettons, je sais pas, 20-30 ans, puis que ça tombe à l'oubli, à quoi ça a servi ton droit d'auteur, dans le fond? Tu l'as perdu toi aussi, là. Finalement, Danny a un peu couvert vers où je m'en allais, fait que c'est bien correct qu'il est allé dans la même direction, mais justement, en parlant des compagnies que c'est peut-être pas à leur avantage, ou en tout cas, qu'ils vous voient pas que c'est à leur avantage, puis qu'il y a des pressions, mais c'est toutes les lois, justement, toutes les lois qui viennent gérer les propriétés intellectuelles, qui viennent gérer le droit d'auteur, c'est ça aussi qui nuit beaucoup. Puis, justement, là, les archivistes, que ce soit des plus petites associations comme le Video Game History Foundation, ou des musées, des institutions un peu plus grandes comme le Strong Museum of Play, qui essaient de faire modifier ces lois-là pour avoir le droit, tu sais, juste que les bibliothèques puissent avoir des exemplaires pour pouvoir les prêter ou juste pouvoir faire des expos, ou que ce soit dans leur rayon, que des musées ou des universités aient accès à des jeux. Ça aussi, c'est super compliqué. Puis, il y a la Entertainment Software Association, le ESA, qui est l'espèce de lobby du jeu vidéo, en fait. Ben, ils poussent vraiment contre ça, parce que là, eux autres, ben, ils sont supposés représenter les intérêts de l'industrie. Fait que là, ils poussent pour pas que ces lois-là changent, fait que pour pas qu'une université puisse avoir accès à ces jeux-là, pour pas que les bibliothèques puissent avoir accès à tout ça aussi. Fait que il y a une espèce de grosse bataille invisible qui dérange tout le monde. Donc, essentiellement, le droit d'auteur et son imbrication dans le capitalisme, c'est un obstacle à la préservation. Oui. Présentement, oui, malheureusement. Oui, vraiment. C'est vraiment une des choses les plus difficiles à gérer présentement, c'est essayer d'avoir le droit d'auteur. Puis c'est même pas juste que, mettons, quand on a le droit d'auteur de compagnies qui existent encore, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a des compagnies qui disparaissent, par exemple? Fait que là, il y a ce que certaines personnes appellent les orphan works, donc ceux qu'on a perdu dans le fond, les ceux qui ont droit d'auteur, on sait plus, la compagnie a fermé, les personnes sont mortes, etc. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis aussi, le droit d'auteur, ça se rachète, là. Je vais donner un exemple, là. Le jeu Boulder Dash, qui est un jeu qui est sorti en 84, qui est vraiment, fait partie du canon du jeu vidéo, qui est un jeu qui a été développé au Canada, d'ailleurs. Un gars de Toronto, puis d'un autre d'Ottawa, si je me rappelle bien. Maintenant, c'est une compagnie allemande qui a le droit pour. Tu sais, ça c'est plus les créateurs, c'est même plus la compagnie en soi, parce que tu sais, la petite compagnie est rachetée par quelqu'un. Non, ça devient tellement compliqué. Puis malheureusement, le droit d'auteur, surtout sur le numérique, est tellement vu comme primordial, puis tellement comme vu vraiment comme étant le comme sacro-saint, que y a personne qui veut vraiment être touché, parce que ça fait vraiment peur à bien du monde. Puis les compagnies, c'est pour vrai, il y en a qui sont vraiment agressives. Encore là, on ramène Nintendo. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment, vraiment agressives par rapport à ça, même au détriment de leur propre chose. C'est un bon exemple de ça. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment déplorable. Tu sais, Adam mentionnait tantôt le fait qu'il y a plusieurs compagnies, mais qu'il y a plusieurs sites d'émulation, puis tout ça qui ont été fermés. Une des compagnies qui ont fait ça, c'est Nintendo. Puis ce qui est encore plus frustrant, c'est que la plupart, admettons, des émulateurs, puis des jeux aussi, des émulations qui étaient créées, c'est fait par des fans, c'est fait par du monde qui était juste des passionnés, puis qui voulaient préserver le jeu le plus longtemps possible, tu sais. Les faire survivre sur d'autres manières, parce qu'une manière évidemment de faire survivre un jeu, c'est en faisant de l'émulation, donc en le faisant jouer par exemple sur un ordinateur, sur une autre plateforme que sa plateforme originale. Puis ben dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que la plupart de ces groupes-là faisaient ça open source, donc tout le monde pouvait avoir accès au code, pouvait le prendre, pouvait le modifier, faire ce qu'il voulait avec. ben on se rend compte que beaucoup de choses que sur la Nintendo Store, c'est des choses dans le fond qui ont été développées par ces communautés-là que Nintendo a pris, a peut-être peaufiné, retravaillé, puis dans le fond après ça va avoir cette retournée, les traîner en justice, les faire fermer. Des fois il y a pas nécessairement eu de décision légale, mais c'est plus le fait que Nintendo, tu sais, un mastodonte, te court après, tu te fermes toi-même parce que t'es comme je serais jamais capable de survivre. Puis là après ça ils ont utilisé ce même code-là fait par ces fans-là pour faire du profit. Moi, je vais être honnête, moi je vois ça comme du vol, carrément. Ouais, c'est un exemple assez notoire justement de ce que comme Nintendo fait pour préserver son intérêt pécunier et pas nécessairement son intérêt culturel. C'est en plus Nintendo, c'est un gros black box là, c'est super secret dans tout ce qu'ils font, fait que c'est vraiment difficile d'avoir de l'information de eux autres en général. J'ai aussi un exemple auquel, en parlant de droit d'auteur, il y a comme un jeu qui ça fait longtemps, qui est comme dans une espèce de limbe. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est No One Lives Forever. C'est une série de jeux vidéo de PC. Ouais. Qui, essentiellement, c'est un genre de James Bond, années 60, mais c'est une femme. Puis, imagine GoldenEye, mais au PC. C'est un peu drôle, puis funny. Puis, ces jeux-là sont difficiles à faire rouler sur des machines modernes. Sont pas trouvables parce que les droits d'auteur sont comme à 5-6 compagnies. Puis, ben, les fans de ce jeu-là en veulent plus, voudraient rejouer à ces jeux-là, mais sont juste pas disponibles. Oui, c'est dans ces cas-là, justement, que t'es un peu forcé de te retourner vers une émulation qui sera peut-être pas ou certainement pas fidèle, mais quand même, tu vas pouvoir jouer. Mais là, dans l'émulation, là, t'es dans la zone grise, justement, parce que techniquement, c'est pas vraiment légal. Puis là, justement, les universités ou les musées, c'est là qu'ils sont comme obligés de faire un pas dans cette zone grise-là, puis dans le pas très légal, parce que, justement, pris dans les limbes de plusieurs compagnies, parce que ça a été vendu, ça s'est promené d'une place à l'autre, personne peut vraiment te donner la permission, parce que si quelqu'un dit oui, l'autre dit non, fait que finalement, tu peux pas, puis t'es un peu bloqué. Fait que, on va aller dans le marché semi-legit, puis on va s'essayer, puis c'est la seule façon qu'on peut faire. Sinon le jeu il est juste pris dans les limbes, puis on pourra pas y jouer. Ce qui, comme Danny a dit tantôt, par exemple, on n'a pas nécessairement besoin de tout préserver. Là, il y a une différence entre accessibilité, puis entre accès et préservation. Mais on est quand même forcé là d'utiliser des méthodes pas légal pour pouvoir jouer à ce jeu-là parce qu'il est coincé. Quand on parle de ça, moi, j'aime beaucoup rappeler toujours la citation que j'aime beaucoup, c'est ce qui est, ben une citation là, tu sais, je paraphrase, là. Mais c'est ce qui est légal n'est pas nécessairement moral, tu sais, puis ce qui est illégal n'est pas nécessairement immoral. C'est pas parce qu'il y a une loi sur quelque chose qui dit « Ah, donc t'as pas le droit de faire ça » que dans le fond, c'est pas légal, tu sais, je veux dire. On peut tous penser à des moments historiques où il y a des lois qui ont été mises en place qui étaient absolument dégoûtantes. Tu sais, la ségrégation, par exemple, aux États-Unis. Puis, ben des places dans le monde, on n'y aura pas le Canada là-dedans, là. Tu sais, il y a beaucoup de lois, justement, qui étaient considérées comme légales, tu sais, des choses qui étaient considérées comme légales et ou illégales, puis c'était pas nécessairement moral. Fait que, pour moi, dans une situation comme ça, c'est mon point de vue. Je le prends entièrement responsabilité pour ce que je veux dire. Mais selon moi, faire des acquis illégaux, des fois, c'est nécessaire pour faire de quoi, pour être éthique, dans le fond. Dans un but de préservation, t'as pas le choix. Là, je peux pas faire ça, mettons, si je fais partie d'un gros musée, puis je comprends les implications légales de toutes ces choses-là. Mais moi, personnellement, la manière que je vois le copyright aller, en termes de préservation de jeux vidéo, puis de plein d'autres choses, c'est plus un problème d'un point de vue culturel qu'un avantage à bien des aspects. T'sais. Ben, ça me rappelle ce que, de mémoire, c'est Jason Scott qui a dit ça, qui est de Internet Archive, ce qu'il avait dit dans une conférence, juste voler à votre entreprise, là, genre steal from your company. C'est pour les gens qui travaillaient en développement de jeux, ben, vole du stock parce que ta compagnie, elle, après ça, elle va soit tout effacer ou elle va pas comme partager les trucs, fait comme ramasse des affaires de ta compagnie. Fait que c'est un peu c'est un appel à faire des trucs de pas complètement légal, mais encore là, ça montre le climat de tout ça. Le climat de du manque de préservation, le climat du manque d'intérêt. Puis Jason Scott, c'est un rebelle, mais c'était une belle conférence. On va parler un peu de l'aspect culturel de la préservation. Tu l'avais mentionné plus tôt dans l'entrevue, probablement la semaine passée, Adam, que il y avait des choses, des référents culturels qui étaient comme des fois inaccessibles ou perdus à cause justement que certains jeux n'étaient pas préservés. Oui, absolument. Ben en fait, c'est un des éléments qui est intéressant, je pense, dans la préservation du jeu, c'est que ça va aussi aller chercher un moment culturel où ça va chercher le contexte dans lequel le jeu a été fait, qui est pas nécessairement juste visible à travers le jeu, ça prend un peu le contexte autour de ça, mais je pense des fois je pense à des jeux comme Missile Command qui avait été créé, qui était l'auteur, tu sais, avait dit de faire c'est un peu peut-être romancé, mais tu sais, avoir des cauchemars là, de la crise de missiles avec entre les États-Unis et la Russie, enfin. Fait que là, le jeu, ben, est un peu inspiré de ça. Fait que là, c'est des missiles qui arrivent, faut que tu essaies de défendre. Techniquement, c'est des villes américaines que tu défendais. Éventuellement, le jeu, quand il est arrivé sur Atari, ils ont comme tout changé ce contexte-là pour le rendre un peu moins réaliste, là, j'imagine, parce que là, c'est deux civilisations extraterrestres qui s'attaquent. Mais quand on regarde le jeu Missile Command, puis on regarde le contexte dans lequel a été créé, ben là, on est capable de sortir quelque chose qui se passait au moment de la sortie du jeu, au moment du développement du jeu, sur dans cette région-là, ou en tout cas dans le monde. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais d'un contexte culturel qu'on peut sortir d'un jeu vidéo s'il est préservé, si le contexte autour du jeu a été préservé, là, si on se rappelle qui a créé le jeu, comment le jeu a été créé, en quelle année ça a été fait. Mais c'est un élément important, je pense, là, quand on parle de préservation de jeux vidéo. Ouais, ben si je peux renchérir vaguement là-dessus, justement pour Missile Command, si je me trompe pas, il y a deux historiens qui sont à CSU Long Beach qui ont écrit un article, puis justement qui parle de ce jeu-là en particulier, tu sais. Puis dans le fond, leur article, c'est sur comment les historiens peuvent utiliser des jeux vidéo pour analyser culturellement, dans le fond, une certaine période. On le fait déjà avec le film, on fait déjà avec les livres, on fait même avec le théâtre. Pourquoi pas de jeux vidéo, tu sais. Puis c'est justement un des exemples qu'ils donnent, puis je trouve ça justement tellement intéressant, parce que, tu sais, le jeu vidéo, ça fait longtemps que ça existe, là. Tu sais, la date précise est débattue, là, mais je pense qu'on peut être safe en disant que ça fait, tu sais, 60-70 ans, là, vaguement, là, que le jeu vidéo existe. Puis oui, le jeu vidéo va être représentatif de la culture dans laquelle il a été créé, tu sais, d'ignorer ça, puis de dire comme, ah, c'est juste du jeu vidéo, c'est de la basse culture, tu sais, comme le film, on a dit au film pendant longtemps, jusqu'à relativement récemment, là, peut-être une 30-40 d'années, tu sais. C'est un peu ridicule. Puis si on préserve pas justement les jeux, ça c'est des aspects qu'on va perdre, parce que c'est sûr qu'il y a des particularités dans le jeu vidéo, par exemple, de comment certains aspects culturels, par exemple, ont été représentés. C'est sûr et certain, parce que c'est un média différent qui ressemble à bien des autres à plein d'égards, mais en même temps, il est aussi super différent à plein d'égards aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez récent. T'sais, on parle de maximum une dizaine d'années, là, que t'sais, le discours de à quoi ça sert de préserver ça, c'est des bébelles, c'est des jouets, c'est pour les enfants, ça commence à s'effacer, tu sais. Il commence à avoir justement des gens qui s'y intéressent plus profondément, parce que ça en dit beaucoup sur notre société ou sur les sociétés qui en produisent. Puis c'est pas quelque chose qui est juste, c'est pas juste les jeux vidéo, t'sais. Les jeux vidéo, c'est intéressant parce que c'est massif, mais on peut dire la même chose aussi des jeux de société, puis des jeux de rôle, puis tout. Je pense qu'aussi, il va y avoir bientôt un colloque ou un événement qui parle avec une personne qui va parler de jeux à l'époque romaine. J'ai vu ça. Étant vaguement actif dans des cercles historiens qui étudient les jeux, il y en a quand même plusieurs qui se passent un peu partout, particulièrement en Europe quand même, pour les jeux. Il y a du Board Game Studies qui existe, tu sais. Puis évidemment, les jeux, ça fait longtemps que ça existe, là, des jeux de société. Le jeu en tant que tel, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine, on s'entend. Puis là, ben là, les board games, par exemple, ou ben ce qu'on qualifierait de board games ou des jeux de table ou peu importe, ça fait des millénaires que ça existe, là. Le jeu vidéo est juste une itération vraiment plus récente puis technologique de ça, mais On s'entend que t'sais, des jeux tout, tout simples. Là. T'sais, quand tu y penses comme faut, mettons, même le sport, c'est un jeu, dans le fond, d'une certaine façon. Puis des fois, c'est super simple. Là. Un jeu comme, par exemple, t'sais, si tu réduis ça vraiment simpliste, là, t'sais, le football ou le soccer, comme on l'appelle en Amérique, le but, c'est juste de kicker un ballon dans une zone, là, à la base. Là. T'sais, c'est pas si compliqué ça. Bon, il y a plein de règles super compliquées qui viennent associer à ça, mais un jeu vidéo, c'est la même chose. C'est juste que ces règles sont un peu caché d'une certaine manière parce que c'est derrière du code. Ouais. Mais puis justement, d'étudier le jeu vidéo ou de l'observer comme ça, c'est de l'histoire de la culture, mais justement, comme Danny dit, c'est aussi plein d'autres choses en même temps. C'est de la technologie, c'est des règlements. Dans le jeu vidéo, ben, il y a un mélange de plein d'art aussi. Là, on va dans la programmation, la modélisation, la texture. Fait que là, on passe par la sculpture, par la peinture, par la musique, il y a tout ça est englobé dans le jeu vidéo. Donc là, si on préserve le jeu vidéo, on préserve tout ça, puis on préserve l'histoire culturelle. On touche à beaucoup beaucoup de choses différentes. L'évolution de la technologie, tu sais, des fois même on reproche à l'histoire du jeu vidéo d'être un peu trop collé là-dessus, mais ça reste que le jeu vidéo est très près de l'évolution technologique. On peut regarder d'un point de vue militaire aussi. Là, le jeu vidéo a été proche du militaire, surtout au début. Ce qui est un autre truc culturel là, qu'on peut étudier ou sortir de là. Tu sais, on passe des trucs militaires au sport, puis éventuellement, on finit par aller vers le fantastique où on s'en va dans l'espace, puis ça a explosé. Mais il y a plein de petites catégories super intéressantes à aller regarder, super importantes. C'est aussi pour ça qu'il faut regarder le jeu vidéo. Maintenant, c'est étudier le jeu vidéo, c'est aussi étudier des rapports humains. Là, on tombe dans le e-sport, sur les jeux en ligne, mais sur les équipes qui développent le jeu vidéo. Comme on peut regarder ça. Là, si on regarde de haut, on peut aller voir plein de disciplines. Donc, c'est à la fois intéressant et important. On en parlait un peu quand on faisait une pré-entrevue. T'sais, les jeux vidéo, ça s'explore. Ça contribue à un moment dans l'histoire. T'sais, tu peux jamais vraiment retourner à GoldenEye 64. GoldenEye 64, c'était un moment dans l'histoire, puis t'avais 8, 12 ans, ou peut-être plus jeune que ça. Tes amis venaient après l'école, vous jouez comme au multijoueur ou quelque chose. Tu peux pas ressaisir ça essentiellement. Fait il y a quelque chose dans le moment qui se perd naturellement, non? Ben ouais, évidemment c'est moi l'historien qui pense constamment à des choses comme ça qui parle, mais tu sais c'est un peu normal, tu sais, il y a toutes ces choses là se perdent, c'est super éphémère, tu sais, tu peux pas recréer des expériences parfaites, ça existe pas, tu sais, autant que le jeu mettons en soi va potentiellement être différent, là, mettons si on pense à un remaster ou juste un port sur une autre console ou quelque chose de plus récent, il va avoir des différences, c'est normal, c'est correct, même chose avec l'émulation, tu sais, des fois c'est plus game breaking que d'autres là, comme tu sais, si mettons le son est pas nécessairement super bien aligné avec l'action, ça peut changer des choses, surtout quand il y a du monde par exemple qui font des speedruns puis qui utilisent le son pour savoir quand faire quoi, tu sais. Mais tu peux pas recréer des expériences parfaites parce que même toi, en tant que personne, tu vas avoir changé. Donc, même si tu rejoues au même jeu dans le même contexte, mettons là, qu'on recrée ton sous-sol chez vous, là, on rachète la maison, on refait le sous-sol exactement comme c'était, le même genre de sofa, ça sent la même affaire. C'était les années 80, fait que ça sent la cigarette, puis tout est brun puis orange. quand même, tu pourras pas avoir la même expérience, tu vas avoir changé. Puis quelqu'un, mettons, de plus jeune, par exemple, ou d'un autre contexte, qui va jouer au même jeu, va amener son propre bagage, ses propres expériences. Là. Fait que c'est toujours un petit peu unique d'un certain sens. Chaque expérience, parce que chaque personne va l'expérimenter de manière différente. Puis évidemment, plus le temps avance, plus toi aussi tu changes. Fait que c'est un peu la nature des choses. Mais quand tu fais de l'histoire, ton but, c'est pas de recréer le passé. T'sais, c'est d'interpréter des choses qui seraient un peu le passé. C'est pas un pour un, t'sais. C'est jamais ça, parce que tu peux pas te transposer dans le passé. Ça malheureusement, le voyage dans le temps n'existe pas. Puis deux, en tout cas, malheureusement pour les historiens. Mais aussi, t'sais, même si tu pouvais le faire, tu pourrais pas voir toutes les perspectives, de toute façon. Fait que c'est toujours juste des snapshots. C'est toujours juste ça. Puis là, on essaie de faire une interprétation avec ça. C'est ça le travail d'un historien, dans le fond. Puis c'est ce qui se passe avec l'histoire du jeu vidéo puis la préservation du jeu vidéo. C'est ça qu'on essaie de faire. C'est le jeu vidéo, comme n'importe quelle expérience, c'est éphémère. Puis comme n'importe quelle chose, point, c'est toujours un petit peu éphémère. C'est un peu là qu'on voit une différence entre, justement, tu sais, préserver le jeu vidéo puis avoir un accès au jeu, puis qu'on peut voir une différence entre des gens qui travaillent dans les musées ou des archivistes amateurs ou archivistes citoyens. Là, tu sais, il y a beaucoup de gens en ligne, des tripeurs, des passionnés qui vont faire de la préservation, qui vont chercher à, tu sais, avoir un accès à tout, avoir une expérience qui est comme dans le temps, mais finalement on se rend compte que ça donne rien ou que c'est pas la même chose. Fait que on n'a pas nécessairement besoin de se battre puis de brûler toute notre énergie sur conserver des trucs pour qu'ils fonctionnent encore, préserver le jeu vidéo, d'avoir des télé cathodiques pour tout le monde, des manettes pour tout le monde, puis d'essayer de les garder le plus longtemps en vie parce qu'éventuellement ils vont tous briser ou ça va finir par être de plus en plus rare. Mais on n'a pas nécessairement besoin de ça. C'est intéressant de pouvoir jouer avec les jeux. C'est intéressant aussi d'avoir la possibilité d'offrir ça à des gens, de retoucher au jeu. Mais l'histoire, c'est pas ça, ou l'histoire, c'est pas le passé, c'est les histoires à propos du passé. C'est ça qui est intéressant à les regarder puis à interpréter. Donc, on est capable d'utiliser quand même peut-être là, les pièces originales pour ramener une histoire du passé, pour faire remonter des trucs, puis ça peut nous aider à interpréter. Comme, par exemple, il y a pas longtemps, j'étais à un événement dans une mine au Nunavut, là, dans le nord du Canada, qui était un événement pour les employés là-bas. Moi, j'avais amené mes consoles rétro, puis justement, il y avait GoldenEye, Nintendo 64 sur une grosse télé. Puis c'était une télé récente, donc déjà là, l'expérience n'était pas pareille. Par contre, les gens, là, ils arrivaient, ils voyaient ça de loin, l'image de GoldenEye, ils entendaient le son. Là, il y en a qui sont arrivés à la course, juste pour venir jouer. C'était quatre personnes. Là, on s'assoit sur le gros sofa, on est vraiment proche de la télé. Puis là, il y a plein de choses qui sont ressorties. Là, les souvenirs sont ressortis. Là, c'était intéressant. Puis là, les histoires sont arrivées. Puis ça, c'était de l'histoire, mettons, à mon avis. Fait que là, par la pièce original, ça aurait pu être une émulation, ça aurait fonctionné, mais là, ça a ramené des souvenirs, puis là, ça peut avoir ramené des discussions intéressantes, puis là, on était dans un petit bouillonnement, là. Là, je me demande, est-ce qu'on saute tout de suite à l'histoire orale, ou... parce que je regrette un peu d'avoir posé la question comme rapidement de même. Je suis comme, il me semble que, tu sais, il y avait d'autres affaires que je voulais parler, mais on va se donner le go. Oh non! La pire phrase que je pouvais sortir. La pire, mais la meilleure en même temps. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces histoires-là qui vont comme un peu comme l'histoire orale des jeux vidéo? C'est quoi l'intérêt comme des préserver ou juste des investiguer? Je vais prendre la balle. Ben, l'intérêt, en fait, à mon sens, un peu comme on a parlé déjà là, dans toutes les autres interventions, c'est, à mon sens, d'ajouter du contexte autour de l'os ou dans la toile qui représente un jeu vidéo, disons. Parce que quand on regarde un jeu, ben on peut avoir ce qu'on a essayé de préserver. Là, on peut avoir tout le matériel paratextuel, là, les livres, les revues, les magazines autour d'un jeu, le jeu en lui-même, les manettes pour jouer. On peut avoir comme plein de matériel qui finissent par dresser un portrait là, de c'est quoi le jeu vidéo, c'est quoi GoldenEye par exemple. Mais il manque comme souvent un côté, à mon avis, c'est comment les gens l'ont joué. Parce que si on a aucune idée de comment les gens ont joué, si on sait pas si les gens ont joué, ben on a-tu vraiment un portrait du jeu vidéo? Parce qu'un jeu, si on n'a pas mis power, si on n'a pas joué, ben c'est-tu vraiment un jeu ou est-ce qu'on a l'objet au complet? Donc ça vient compléter, à mon avis, le portrait. Puis plus on a de ces objets-là autour, plus on a de ces traces-là, des fils, disons, ben plus on a une toile là, qui se bat autour, puis qui est intéressante, puis qui vient faire un portrait global. Ça fait 3-4 fois que je dis le mot portrait, là, mais parce que je pense que c'est vraiment le mot que je veux. Un ensemble. Ouais, c'est ça. Comme si je cite les théories, c'est un agencement. si on veut rentrer dans le trou académique, je pense pas au style ici, là, mais ouais, j'utilise beaucoup les théories de l'agencement, justement, qui sont un peu ça, tu sais. T'as une chose qui sont, tu penses à une chose, c'est fait par plein d'autres petites parties qui appellent des articulations, donc des petites sphères, si tu veux. T'sais, puis que ce soit, justement, tu sais, la partie développement, que ce soit la partie, justement, plus culturelle, que ce soit l'expérience de jeu, que ce soit, tu sais, name it, là. Je sais pas moi, les fanfictions weird qu'on a probablement souvent vu en ligne random. Bon, tout ça, ça fait partie justement de ce qui est le jeu, de ce qui est l'histoire d'un jeu, tu sais. Puis l'histoire orale, ce qui est intéressant à ça, puis ce qui est cool, tu sais, parce que moi puis Adam, on travaille sur des choses vaguement similaires. On a un peu eu deux angles d'attaque un peu différents, mais en même temps, on travaille pas mal en parallèle sur ça, tu sais. Des histoires locales, par exemple, tu sais, que toi, Adam, tu focuses un petit peu plus dessus, tu sais, mais justement, tu sais, fin fond perdu en Abitibi, l'expérience d'un joueur-là va pas être la même que quelqu'un, mettons, qui est à Montréal. Tu sais, moi, j'ai grandi à Laval, oui, je l'avoue, je l'assume. J'ai grandi à Laval, en proche de Montréal, tu sais, fait que moi, mon expérience, j'ai autant d'accès à tous les jeux que je voulais, là, c'était vraiment pas un problème. Mais quand tu commences à t'éloigner, c'est pas nécessairement la même chose. Tes communautés sont pas nécessairement aussi grandes. Bon, ça donne des particularités, dans le fond. T'sais, les jeux qui vont avoir été populaires à une place ou à un autre vont être différents. T'as peut-être des créateurs locaux, justement, qui vont avoir créé des jeux que moi, j'aurais jamais vu. T'sais. Mais que quelqu'un comme Anna, par exemple, va avoir expérimenté dans sa jeunesse. T'sais. Pis ça, c'est des histoires qui sont importantes. On peut pas juste préserver la grosse affaire, la grosse histoire. Moi, c'est une affaire, justement, que là, je mentionne souvent, puis que j'avais vu du monde mentionner, mais que j'avais pas utilisé ces mots-là. Puis là, j'ai décidé de moi-même de publier en utilisant ces termes-là, comme ça, c'est moi qui pouvais avoir le trademark. mon petit côté capitaliste qui ressort. Mais dans le fond, tu sais, en histoire, il y a des vieilles théories, des vieilles façons de penser qui s'appellent la théorie des grands hommes, où dans le fond, on focusait sur les grands hommes. On va être honnête, là, c'était des hommes, la majoritairement blancs, cis, bon. Puis dans le fond, on disait que c'était eux qui dirigeaient l'histoire. Fait qu'on parle de politiciens, on parle de généraux, etc. Tu sais, des grandes personnes. Mais je voyais un petit peu quelque chose de vraiment similaire se passer en jeu vidéo. On préservait quoi, tu sais, Mario, Sonic, tu sais, Borderlash, encore là que j'ai mentionné plus tôt, tu sais. Tous ces genres de jeux-là qui sont des jeux vraiment importants puis qui font partie un peu du canon du jeu vidéo. Oui, sûr, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on fait des plus petites histoires qui peuvent être tout aussi intéressantes puis qui peuvent même nous en apprendre plus, un, sur une histoire locale, mais aussi sur ce qui se passe en gros autour, parce que c'est... Ces règles locales-là, ils vivent pas dans un silo touché par rien. Ils existent en partie, un peu pas en parallèle, mais en conjonction avec ces choses-là plus grandes. Fait que si on commence à juste focusser sur le gros, c'est un problème. Puis moi, dans le fond, je traduis ça en appelant ça un peu l'histoire des grands jeux. T'sais. Donc, les grands hommes dans le jeu vidéo ou les grands jeux comme à la Mario, par exemple. Donc, le shorthand, c'est l'histoire des grands jeux. Je trouvais que c'est beaucoup de ce qui se passait en préservation. Puis une manière de contrecarrer ça, c'est de faire des histoires orales. Justement, parce que ça nous permet d'aller voir des communautés, par exemple, qui sont sous-représentées ou pas représentées du tout. T'sais. Des communautés plus pauvres, la communauté LGBTQ, par exemple, qui va pas nécessairement être représentée dans le mainstream, particulièrement dans ce qui est plus vieux. Mais c'est une manière d'aller parler directement aux gens puis de dire « Hey, comment tu l'as vécu, ça? » Comment ça, c'était... Comment ta communauté, comment toi, personnellement, tu l'as vécu? Puis autant que l'histoire orale, c'est pas nécessairement la meilleure affaire pour aller chercher, par exemple, des petits détails comme à quelle date telle chose a été faite, c'est vraiment bon pour aller chercher l'émotion des gens, comment les gens ont vécu des choses, tu sais. Ce qui est tout aussi important, là, les cold hard facts, comme cool, OK, on peut aller chercher sur des banques de données comme OB Games, par exemple, qui vont sortir tous les jeux qui sont sortis à d'une telle série ou faites par telle compagnie. Puis bon, il y a des trous, évidemment, c'est pas parfait, mais ça, c'est des bonnes sources pour ça. Même si c'est créé par des fans, franchement, c'est des sources qui sont absolument nécessaires pour tout le monde qui travaille là-dessus. Fait que même si on pouvait aller regarder de haut, ben là, maintenant qu'on commence à s'intéresser aux jeux vidéo, je pense qu'il y a plusieurs académies qui font comme « Ah ouais, non, finalement, c'est peut-être utile. » Mais justement, de parler aux gens, c'est une expérience totalement différente que de parler des documents de marketing ou de développement. T'sais, c'est pas la même chose. T'sais, un jeu, c'est fait pour être joué, fait que pourquoi est-ce qu'on parlerait pas aux joueurs? Joueurs-joueuses, Adam, c'est ça, là, c'est de parler aux joueurs, puis c'est Danny et moi, justement, c'est vers ça nos intérêts parallèles, c'est d'aller voir les joueurs, parce que c'est pas vraiment fait, mais pourtant, les histoires orales, c'est pas complètement étranger non plus aux études de jeux vidéo, ou à la préservation de jeux vidéo, parce que ça a déjà été beaucoup utilisé, mais justement pour aller jaser avec les grands hommes, puis faire l'histoire de l'industrie. Fait que là, on a des livres sur l'histoire du jeu vidéo, mais là, on va juste parler, c'est plein de petites entrevues ou des morceaux d'entrevues, on va parler à ceux qui ont créé Atari, hein. C'est une grosse bible sur Atari, ben c'est des entrevues avec plein d'employés, puis les grands patrons d'Atari. On fait des portraits aussi, là, on a, tu sais, soit des trucs sur Roberta Williams, disons, là, qui était chez Sierra, mais déjà, on est chanceux d'en avoir sur elle, parce que les histoires des créatrices, il y en a beaucoup moins, sont mis de côté quand il y en a. Sinon, John Romero, là, qui a créé Doom, ben là, il y a des livres aussi, là, à son sujet. Donc, on a de l'histoire orale, on va voir, mais on va voir les créateurs, puis il y a à peine, ou il y en a pas, c'est ce qui me dérange un peu, puis c'est l'impression aussi ce qui dérangeait Danny, c'est qu'on n'est pas allé voir les joueurs. Puis, c'est beau, là, de vouloir faire un portrait de John Romero, puis de comment ça se passait chez id Software quand ils ont sorti le jeu méga succès, puis ils ont réussi à faire Doom, puis que ça a fonctionné. Mais Doom, ça a fonctionné parce qu'il y a plein de monde qui ont joué. Les gens ont joué, ils sont allés sur Internet, ils ont partagé le shareware. Les gens s'insultaient, là, en se disant « je vais te péter parce que là, c'est les gros deathmatch, puis tout ça. » Fait que là, il y avait toute une culture autour de ça, mais là, cette culture-là, elle vient des joueurs aussi, pas juste de ceux qui ont fait le jeu. Fait que c'est pour ça qu'on va aller voir ce monde-là, parce que cette partie-là manque. Moi, honnêtement, je trippe pas trop sur la théorie de l'histoire des grands hommes, parce que c'est bien le fun d'avoir cette information-là, puis les dates, sauf que les gens, tu sais, l'histoire, c'est bâti par le peuple, tu sais. Quand on parle, mettons, de l'histoire, tu sais, mettons, du Québec, ben moi, j'habite dans un quartier qui est historique, puis ben c'est pas les grands hommes qui ont qui avaient comme des fermes jusqu'à côté de chez moi, c'est pas les grands hommes qui ont habité des maisons de fermiers, des petites cabanes là, faites en pierre, tu sais, c'est parler des grands hommes, ça désincarne un peu l'histoire. Puis ben d'ailleurs, on a parlé un peu j'ai fait une entrevue récemment où dans Unsick, les terres qui ont été défrichées, ben ils ont été faites par des autochtones. Fait que c'est une affaire qui est oubliée souvent. C'est particulier. Vous allez y réécouter l'émission, c'est assez intéressant. Mais aussi, moi, en tant que gars de Montréal, une famille multigénérationnellement à Montréal, j'ai jamais réalisé qu'il y avait peut-être une culture de jeux vidéo aussi en Abitibi, puis qu'il y avait comme une histoire orale à faire en Abitibi ou au Nunavut. Moi, ça me fascine. Je sais pas qu'est-ce que... Toi, tu viens de cette... Fais-nous ton histoire orale là-dedans. Ben, tu sais, en plus, moi, j'ai déménagé beaucoup en Abitibi à plein de places. Puis, déjà, tu sais, j'ai grandi une partie de mon enfance à Joutel, un village qui n'existe plus aujourd'hui. Là, c'est un village minier, mais là, ça n'existe plus. Tu peux y aller. Là, il y a des petits morceaux d'asphalte ici et là, mais c'est tout. Tu sais, là, je jouais à des jeux. Ben, j'allais jouer chez des gens qui faisaient... quelques heures de route pour aller à Amos, là, ben c'était une heure de route, je pense, pour aller à Amos, pour aller peut-être au gros centre d'achat pour s'acheter un jeu, là. Sinon, éventuellement, quand j'étais jeune, j'allais louer des jeux, mais il y en avait pas où j'habitais. Fallait aller dans le village d'à côté, ou à la petite station-service, qui avait quelques jeux. Mais là, tu sais, il y en avait 5-6 des jeux de 64, mettons, quand c'est sorti, puis là, c'est... Tu y vas à chaque semaine, puis là, oh, il y a peut-être un nouveau jeu qui est arrivé, fait que je vais l'essayer, mais là, fallait pas qu'il soit pris non plus, parce que c'était pas comme les gros clubs, ciné vidéo club avec un mur complet de films, là, que t'étais sûr d'avoir accès. Fait qu'il y a toute une culture du club vidéo, ou du club vidéo de dépanneur, là, parce que c'était pas non plus un ciné vidéo club ou un club international, là, qu'il y avait dans le coin. C'était la station-service, puis il y avait pas grand-chose. Tu sais, donc, il y a une culture de la location qui est différente. La culture des cours de récréation, ça, c'est un peu partout au Québec. Mais j'imagine que d'une place à l'autre, ça peut varier. Tu sais, de parler du jeu que t'as loué la fin de semaine d'avant, là, dans les cours de récréation, ça existe plus vraiment non plus aujourd'hui. Fait que c'est un aspect, je pense, qui est très, très ancré là, dans les années 90, disons. Même les compétitions de jeux vidéo, tu sais, en Abitibi on n'avait pas le super Mega Dome Nintendo là, ou je sais plus comment il s'appelait à Montréal là. Mais tu sais, on n'avait pas ça. À la limite, il y avait une petite compétition organisée dans un sous-sol d'église, puis tu gagnais peut-être une coupe de Pepsi là. Donc, c'est toutes des choses relativement différentes. Et c'est là mon intérêt de regarder un peu en Abitibi tout le monde comment ils ont vécu cette période-là avant Internet, parce que tout ce qu'on peut pas aller trouver sur les forums, pour éventuellement avoir mis un peu les bases d'aller regarder après ça à Montréal ou d'aller regarder après ça au Saguenay ou en Gaspésie. Est-ce que ça ressemble à ce qui s'est vécu en Abitibi-Témiscamingue? Est-ce que ça ressemble à ce qui se vit à Montréal? C'est une espèce de... L'objectif, c'est de faire un petit plan qui pourrait être réplicable ailleurs, là. C'est intéressant parce que essentiellement faire l'histoire orale des jeux vidéo, c'est pas nécessairement parler des jeux vidéo, mais c'est les utiliser comme véhicule pour en apprendre le contexte social de ce que les gens ont vécu dans leur communauté à ces époques-là essentiellement. C'est un peu comme utiliser le jeu, là, ou utiliser une cassette ou quelque chose juste pour une étincelle pour partir la mémoire dans le fond. Ben, tu sais, en même temps, comme c'est un peu, c'est aussi pour faire plus une histoire culturelle du jeu vidéo dans le sens culturel, comme le monde l'a vécu, tu sais. Parce que c'est un peu comme on disait plus tôt, tu sais, c'est bien beau de savoir comme quelle technologie a été utilisée, puis quelle comme tu sais, comment ils ont réussi à créer un jeu quand tu parles aux développeurs, puis là comment ils ont réussi à réussir à rentrer autant de diversité puis de choses dans un jeu aussi petit. Tu sais, les premiers jeux là, ils étaient microscopiques là, c'était fou. Chaque bit comptait, là. Fait que oui, c'est impressionnant pis c'est important de savoir ça, mais ça dit pas nécessairement quelque chose sur comment les personnes l'ont vécu, tu sais. Vraiment pas tant, tu sais. Ça, pour ça, faut que tu parles au monde. Puis tu sais, comme Adam il disait, tu sais, puis mettons, si on continue à garder l'exemple d'Abitibi, par exemple, tu sais, il y a des spécificités dans chaque région. Tu sais, moi, je pense, par exemple, à mon expérience. Puis là, mon expérience est un peu particulière parce que moi, j'ai été élevé dans un environnement totalement bilingue. Fait que pour moi, comme une langue ou l'autre, c'était pas trop un problème. J'ai pas appris une langue, j'ai pas de langue maternelle, j'en ai deux, là. Moi, j'ai pas fait d'effort pour apprendre l'anglais, ça c'était juste dans ma tête. Mais justement, la plupart des jeux sortaient pas en français au début, là. Ils étaient ici juste en anglais, ça a pris jusqu'à quoi? 2005, si je me trompe pas, là. Je pense que c'était avec la GameCube que là, vraiment, le gouvernement du Québec a commencé à mettre des réglementations sur il faut que les jeux soient disponibles en français. Mais pour quelqu'un qui vient d'une région qui a peut-être pas vraiment d'expérience en anglais, qui parle pas anglais du tout, ça devient vraiment difficile, tu sais, d'expérimenter des jeux. Bon, il y a encore des gens un peu partout qui jouent à des jeux, mettons, japonais, qui a aucune traduction, puis ils ont joué pareil en essayant, là. Fait que ça, il y a des parallèles à ça. Mais c'est quand même intéressant quand tu parles, justement, de contexte local, tu sais, tandis que, mettons, moi, qui ai grandi pas loin de Montréal, tu sais, pour moi, c'était pas un problème. Évidemment, mon contexte familial aussi était différent, mais bon. Fait que ça te montre justement beaucoup plus large que ça. T'sais, ça te permet de faire ressortir des choses que tu pourras pas nécessairement ressortir. T'sais, moi, j'ai tellement de mes amis qui ont appris l'anglais en jouant à des jeux. T'sais, c'était sûr qu'ils auraient appris l'anglais une des premières choses. Fait que c'était vraiment intéressant parce qu'évidemment, les cours d'anglais à l'école étaient vraiment pathétiques, on va le dire comme ça. fait que tu sais, ça te montre justement quelque chose de différent que tu pourras pas nécessairement ressortir juste en regardant le jeu. C'est te mettre des limites, dans le fond, sur qu'est-ce que tu peux interpréter d'un point de vue culturel, puis d'un sens plus large, tu sais, quand on veut étudier une société quelconque, t'sais. Je fais partie de ceux-là qui a appris l'anglais avec les jeux vidéo. T'sais, moi, je le comprenais pas tant là. Quand j'étais jeune, je jouais au Super Nintendo, puis je criais pour que mon père descende au sous-sol pour qu'il vienne me traduire qu'est-ce que mon personnage dans Link to the Past, probablement, là, ou Final Fantasy 3, qu'est-ce qu'il disait. Fait que là, il venait là, puis il me traduisait un peu, puis un RPG, là, il y a beaucoup de texte. Fait qu'à un moment donné, il s'était écœuré de venir traduire, fait arrange-toi, puis j'ai fini par ça m'a aidé, ça a fait que moi j'ai appris l'anglais à cause de ça, puis ben c'est ça, ça fait partie de mon histoire à moi en tant que joueur, puis de l'histoire du jeu de cette époque-là, là. Ça serait quelque chose qui pourrait tellement être facilement ignoré, tu sais, juste en disant comme, ah, les jeux existaient pas en français, c'est un problème, move on, tu sais. C'est tellement plus nuancé que ça, tu sais. Il y a eu quelques jeux là, hein, qui ont eu une traduction en français. Là. Ben, Link to the Past, justement, avait une version canadienne-française. C'est pas que là, il n'y avait pas grand-chose. Il y a eu un Stanley Cup au Super Nintendo, il y avait même, à l'époque, il y a eu un reportage de Radio-Canada, là, c'est encore disponible dans leurs archives, qui disait « Le jeu est disponible en français. » Puis sinon, Kirby au Nintendo. Puis vite comme ça, là, c'est comme les trois gros que je peux penser qu'il y a eu une version canadienne-française, puis il n'y en a pas vraiment eu ben d'autres, là, avant que ça devienne plus fréquent. Ça me rappelle tellement quelque chose d'intéressant. Il y avait eu, au Musée de la Civilisation à Québec, il y avait eu une exposition sur les jeux vidéo, mais c'était une exposition européenne qui était faite venir. Je pense que c'était française, mais je me trompe peut-être, là. Peu importe. Européenne, francophone. Fait quand les jeux sont arrivés ici, bon, il y a eu plein de problèmes, parce qu'il n'y avait pas les bonnes prises, parce que qui l'eût cru que les prises, c'est pas les mêmes partout dans le monde. mais déjà qu'il y avait eu des problèmes avec ça, avec le courant. Il y avait aussi des problèmes avec la représentation de certains jeux, genre les premiers Mario, en français. Quelque chose qui n'était pas du tout une expérience pour les personnes au Québec qui ont expérimenté les jeux étant jeunes. C'était pas du tout leur expérience avec un peu le début, en guillemets, histoire de jeux vidéo. T'sais, eux, ils avaient joué aux jeux en anglais, puis c'était juste en anglais. Fait que quand ils sont arrivés devant une version en français, ils étaient comme, ben moi, ça représente pas du tout mon expérience. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Fait que ça, c'est quelque chose que, justement, on peut pas penser aux jeux vidéo en tant que global, comme bien du monde aimerait peut-être le représenter. Il y a toujours des particularités locales. Toujours, toujours, toujours. Qui sont super importantes. Quand on parle de culture du jeu vidéo, on parle souvent d'une culture anglophone, anglo-saxonne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nous, essentiellement? Est-ce qu'il n'y a pas comme un écrasement un peu de la culture locale? Danny, t'avais mentionné auparavant que t'es le Global South est souvent aussi ignoré que la culture du jeu vidéo, c'est pas aussi global qu'on le pense. C'est quoi les répercussions qu'on a ici, essentiellement? Seulement, je dis répercussions, hein. Ben, tu sais, c'est super complexe comme situation, tu sais, comme bien des choses, tu sais. On peut pas nier, évidemment, le fait qu'il y a une certaine hégémonie de la culture américaine qui est là. On peut pas le nier, là. C'est sûr que c'est là. Puis, tu sais, pendant bien longtemps, les compagnies aussi étaient super paresseuses, c'est-à-dire de pas vouloir traduire les choses, ou de les traduire pour la France, par exemple, mais là, dire au Québec, ah non, on fera pas ça parce que c'est trop compliqué. C'est comme, ben oui, il y a des spécificités, là, on s'entend, le français québécois versus le français européen, du moins, puis particulièrement en France, c'est pas le même, là, ça va. Mais je pense aussi qu'il faut pas nécessairement... Puis ça, là, c'est sûr que là, beaucoup de ce que je dis est informé par ce qui se passe présentement avec la loi 96. Là. Si je pouvais faire un autre statement politique, je viens de le faire là. Puis pour une personne, moi, bilingue, qui navigue vraiment ces sphères-là, comme de manière presque totalement inaperçue pour bien des gens. Moi, j'ai une expérience particulière. C'est de dire qu'il y a nécessairement un écrasement, c'est pas tout à fait faux non plus, mais en même temps non plus, je pense pas qu'on peut, on peut pas non plus juste, tu sais, ignorer le fait, comme je disais plus tôt, que, tu sais, ça a été vraiment un moment, des choses marquantes pour du monde, justement, d'apprendre l'anglais, par exemple, tu sais, à travers les jeux. Puis là, encore là, tu sais, moi, quand je parlais de ça, je parlais des amis à moi, là, qui vivaient aussi à Laval, là, tu sais. Fait que on n'a pas besoin d'aller ben, ben loin, pas besoin d'aller en Abitibi pour avoir cette expérience-là, tu sais. Puis je penserais même à Montréal, ça pourrait être le cas dans certains quartiers, par exemple, tu sais, parce qu'on se rappellera que les quartiers, des fois, sont un petit peu tranchés de côté linguistique. Je dis ça de même. Certains quartiers, ouais. Ouais, encore aujourd'hui, là. Fait que je sais pas trop comment où me situer, moi, franchement, pour ça. Mais oui, je pense que c'est, tu sais, ça revient un peu, en fait, quand j'y pense comme faux, à ce que je disais plus tôt, tu sais, avec cette histoire des grands jeux, là, tu sais. Si tu te focuses juste sur les États-Unis puis le Japon, par exemple, là, c'est un problème. Parce qu'il y a toutes ces choses, ces histoires plus locales-là qui sont là, tu sais. Un bon exemple, il y a un article qui a été fait par Jonathan Lessard puis Carl Terrier. Carl Terrier étant mon superviseur de doc. où ils ont interviewé des créateurs de jeux au Québec, tu sais. Puis un dont un en Abitibi, d'ailleurs. Oui, exactement. Je me rappelle pas son nom malheureusement, mais un autre qui lui fonctionne juste avec son nom de plume, si on veut, son nom de codeur, peu importe, qui s'appelle Y, qui était à Granby, tu sais, puis il fait des genres de petits jeux punk un peu random. Ils sont en gros français québécois. Il y en a un qui s'appelle, et je m'excuse, mais c'est le nom du jeu. Il y en a un qui s'appelle Tabarnak, tu sais. C'est des histoires tellement tellement intéressantes. Puis c'est vrai que si on focus juste par exemple sur le jeu vidéo par exemple américain, on perd totalement ces choses-là qui ont été écrites dans un, par exemple, dans un français, dans un joual, dans le fond, t'sais. Fait qu'un, une façon de parler très, très, très, très locale, t'sais. Fait que c'est vrai que l'hégémonie de la culture puis du jeu vidéo américain, par exemple, vient un peu cacher, ou du moins mettre de l'ombre sur ces choses-là plus locales-là. Mais en même temps, je pense pas non plus qu'on peut juste ignorer qu'il y a eu certains bénéfices dans le fond, hein, au fait qu'il y avait, vu que les jeux étaient en anglais, ben le monde y jouait en anglais, puis ben ça a aidé bien du monde à maîtriser une langue qu'il aurait peut-être pas maîtrisé si c'était pas le cas, tu sais. C'est complexe, ces discussions là, tu sais. Tu peux pas juste dire qu'il y a eu du mal, même si je pense franchement que oui, évidemment, le fait que ça effaçait certaines culture plus locale, c'était pas un problème. C'était un problème, clairement. L'article que Danny a mentionné a aussi un parallèle super intéressant, parce que justement, Y, qui lui faisait des jeux en joual, puis punk, puis lui c'était comme un peu plus artistique, avec une démarche, puis c'était pas pour faire de l'argent. Ben justement, l'autre personne que, bon, moi aussi, là, j'oublie le nom, mais qui était à Amos, lui, son objectif, c'était de faire compétition aux grands jeux, là. Lui, c'était de devenir, de faire un des gros RPG, puis de devenir le futur Bethesda ou Origin Software. Donc là, lui, justement, voulait s'accrocher à cette hégémonie-là, ou aller dans les canons du jeu PC. Donc là, il y a un gros, une grosse confrontation entre ces deux types de visions-là. Puis, mais aussi, si on vient un peu plus dans le marché de l'industrie récente de jeux vidéo, on a la chance d'avoir une industrie de studios indépendants qui, eux autres, ça bouillonne là, d'originalité. Puis il y a plein de petits studios qui vont essayer d'aller chercher leur propre originalité, puis d'aller puiser dans leur culture. Qu'on a eu les Guacamelee. Sont-ils américains, ça, ou eux autres sont allés dans leur propre culture, là, mais en tout cas, vite de même, je suis plus sûr. Mais c'est ça, on a ben récemment aussi là, des studios avec des justement des Autochtones qui se sont inspirés de leur culture, puis qui ont fait des petites aventures super intéressantes, puis qui sont pleines de ce que eux autres vivent. Fait que là, c'est complètement différent de ce qu'on va retrouver dans les marchés triple A. C'est je m'en veux d'oublier le nom, là, c'est Alone ou quelque chose de Alone. Never Alone, je pense. Never Alone, c'est ça, ce petit jeu-là qui est magnifique. Mais justement, dans l'industrie indépendante, ben on est capable d'aller chercher ces petits trucs-là qui vont se séparer de la grosse là, homogénéité américaine militaire, plein de guns pareils et compagnie, là. Ouais, ben je connais les gars du studio Barnac, qui est essentiellement deux gars t'sais, tout seuls, qui ont fait un jeu qui ont réussi à le lancer sur la Switch, Infini. Puis ils ont comme tout un univers, eux autres, établi en joual aussi. Ça parle d'un de leurs premiers jeux qui est nulle part. Je pense que c'est un gars qui est dans Hochelaga, qui se ramasse dans un univers parallèle. Puis, tu sais, ils sont disponibles en anglais, ces jeux-là, mais sont écrits en français en premier lieu. Puis ben, je sais pas exactement comment aborder le sujet, parce que, ben, tu sais, on oublie un peu, tu sais, des fois que il y a comme un fait culturel québécois. C'est une affaire intéressante de remarquer que la représentation, c'est le fun. Tu sais, se reconnaître dans quelque chose, on le ressent profondément. Moi, j'utilise ça souvent pour dire, comme, tu sais, ce qui est bon pour nous, c'est aussi bon pour les autres, là. On s'entend, on peut faire comme des efforts aussi de dans la représentation. Quand on reconnaît que, ben, c'est bon pour nous aussi. Ouais, ben dernièrement, là, il y a... Tu sais, on a plein d'excellents studios à Montréal, au Québec, mais à Montréal, il y a plein de studios indépendants, là, puis qui font d'excellents jeux. Puis là, dernièrement, ça ressort là, d'avoir des traductions en québécois. T'sais, si on va dans les menus, là, il y a français, mais il y a aussi québécois ou French-Canadian, là, dépendamment. Puis il y a Messenger, fait par Sabotage Studio, justement, qui a une grosse traduction en québécois. Fait qu'on peut lire les textes comme ça. Puis, ça fait un buzz à chaque fois. Là. Même si moi, j'ai joué un petit peu comme ça, j'ai fini par retourner en anglais parce que j'avais l'impression quand même que le jeu était bâti en anglais parce que le marché est international, est immense. Donc, on crée quand même des jeux où on vise le marché américain ou le marché global. Mais il y a quand même cette portion-là en anglais, en québécois. Puis, comme tu dis, ben ça m'a touché puis j'ai trouvé ça cool. C'est comme, oh! Ça parle comme moi, ou là, il y a une petite représentation québécoise. Puis, les studios québécois, il y en a quelques-uns là, qui se mettent à faire ça. Fait que, comme tu dis, oui, on peut faire, puis on devrait faire un effort aussi. Si juste avec cette petite touche-là, d'avoir une écriture qui sonne un peu joual, ça m'a fait quelque chose. Mais là, il y a plein d'efforts pour plein d'autres groupes qui sont minoritaires, ou souvent oubliés ou laissés de côté, qu'il y aurait un effort culturel, un effort à aller faire, aller les chercher ou aller leur dire ben oui, là, ça existe aussi. Il y a même eu un moment donné, ça va dans deux sens, là, parce qu'il y a eu un jeu de Siphon Filter, je pense le 3, qu'on joue des antiterroristes, puis là, il était supposé avoir comme le nouveau FLQ, ou qu'il était supposé avoir des terroristes séparatistes québécois dans le jeu. Mais il y a des politiciens québécois qui ont pas aimé, puis qu'il y a eu des dépressions, puis finalement dans le jeu là ça a pas existé, ils ont fait autre chose. Ça aurait été une représentation que j'aurais aimé, ça aurait été une partie même de l'histoire québécoise en jeu vidéo là. Faut pas mettre ça de côté parce que il y a eu des gens qui sont fait tuer ou parce qu'il y a eu des bombes qui ont explosé. Même si c'est pas reluisant, ça aurait pu être intéressant de voir ça sur un marché international, mais de ce côté-là, on l'a enlevé. On voulait pas cette représentation-là, ça a l'air. Ben, je pense que c'est surtout l'idée de d'effacer un peu les revendications des personnes qui ont fait ces attentats-là, ouais. Le FLQ, parce que, tu sais, c'est des revendications, tu sais, quand même assez légitimes. Les moyens, on en reparlera, tu sais. Je sais pas, tu sais, Danny, toi, t'as de l'air... vu que t'es entre les deux un peu, c'est sûr que... Je sais pas, mais moi, je considère que... Il y avait comme un fait historique ici à ne pas nier ou à ne pas comme effacer. Puis ben, t'sais, dans les jeux vidéo puis les films d'action, t'sais, ben, c'est les méchants, puis c'est 2D, puis c'est peut-être de pas comme... Ouais, vas-y. Ben, il y a deux choses. C'est, bon, premièrement, c'est, oui, mon expérience est particulière. Moi, étant justement quelqu'un qui est un peu entre les deux, là. Moi, ça m'a fait juste déconnecter, là, parce que j'ai vu de la bullshit des deux bords, puis ça m'a écœuré. Fait, j'ai juste déconnecté totalement, puis j'ai fait, non, c'est assez. malheureusement, quand on navigue les deux bords, on paraît un peu inaperçu, des fois, la garde du monde tombe, puis là, ben, les mauvaises choses ressortent. Fait que là, tu te sens un peu attaqué des deux bords parce que, tu te fais voir comme un membre du in d'un bord ou de l'autre. Fait que là, ben, tu vois les côtés moins glorieux. Fait que ça, c'est moins le fun. Mais je suis absolument d'accord. Par exemple, quand tu parles justement du fait qu'il y a une certaine représentation historique ou culturelle, dans le fond, qui est là dans les jeux vidéo. Puis ce qui est intéressant, particulièrement avec le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo historique est là depuis les tout débuts de l'histoire des jeux vidéo. De choisir l'histoire comme thème pour créer un jeu, c'est là. Il y a The Sumerian Game, qui était plus une aventure par texte, là, qui existe, Oregon Trail, que beaucoup de monde connaissent, particulièrement aux États-Unis, parce qu'il était dans les écoles. Puis l'équivalent canadien, qui était quoi, genre Cross Country Canada, où tu joues des truckers, là, c'est pas tout à fait là. C'est un peu les mêmes mécaniques, mais c'est un peu différent, mais bon. Mais justement de représenter des périodes un peu complexes de l'histoire, particulièrement comme là pour l'histoire du Québec puis du Canada, tu sais, avec mettons le FLQ, c'est intéressant. Mais oui, tu sais, puis leurs revendications, je pense, sont souvent aussi effacées parce que c'était pas juste des séparatistes, c'était aussi genre du monde vraiment vraiment intensément à gauche. Fait que en tout cas il y en avait, du moins dans ce qui était le FLQ là, c'était un peu plus complexe là. Tu peux pas juste dire comme que c'était une mentalité unique, là, évidemment, dans ce groupe-là. Là. Mais malheureusement, c'est souvent extrêmement mal fait. Tu sais, la représentation de l'histoire dans les jeux vidéo, là, j'en connais beaucoup d'historiens qui travaillent là-dessus, puis oh my god, hein, c'est pas toujours glorieux. Fait qu'il y a une partie de moi qui est comme, ouais, j'aurais aimé ça voir justement une exploration de ça dans un jeu comme Siphon Filter. En même temps, ça aurait probablement été vraiment atroce. Fait qu'est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Franchement, je le sais pas. C'est complexe. Mais ça nous aurait peut-être fait réaliser justement comment les histoires de d'autres endroits sont bâclées ou garochées, parce que le nombre de fois qu'il y a eu des terroristes russes ou de l'Europe de l'Est ou des terroristes qui venaient du Moyen-Orient, ce côté-là aussi est probablement certainement mal fait, mais là nous on voulait pas qu'il représente mal la culture ici. Ah, c'est vraiment deux poids deux mesures. Le meilleur exemple, je pense que la plupart du monde qui vont écouter ça vont être d'accord, puis le monde ici, quand vous pensez à un terroriste, vous pensez qu'il a de l'air de quoi? Je pense que l'image qui vous vient en tête, c'est 11 septembre, c'est quelqu'un qui est musulman, quelqu'un du Moyen-Orient. C'est la première image qui va vous venir en tête, parce que c'est l'image qui est véhiculée partout dans nos médias, partout dans nos, que ce soit jeux vidéo, dans les nouvelles, etc., à la télé. Mais quand tu y penses, des groupes terroristes, il y en a eu partout, là. Le FLQ s'en était un, ou du moins certaines personnes là-dedans. En Irlande, même chose. Puis à ce que je sache, sont considérés comme blancs, même si historiquement c'était pas le cas. Il y en a eu partout dans le monde, des groupes de même qui ont utilisé la terreur puis la peur pour revendiquer quelque chose. T'sais. Fait que c'est super intéressant de ça. Je sais pas par contre s'il y avait eu une représentation, par exemple, du FLQ dans Siphon Filter, si vraiment ça aurait poussé beaucoup de gens à critiquer ça. Parce que si je regarde, mettons, qu'est-ce qui se passe dans plusieurs jeux de tir, justement, où il y a des terroristes. J'ai joué beaucoup à Counter-Strike, fait que ça, c'est un bon exemple aussi, là. Fait que j'ai comme joué vraiment beaucoup trop à Counter-Strike quand j'étais ado. Ça m'a pas fait me poser de questions. C'est des choses que, des réalisations puis des analyses que je suis venu vraiment plus tard, puis pas par le jeu vidéo. Ça se peut que ça arrive, ça, c'est vraiment cool que ça arrive, là. Je n'irai pas que c'est une expérience qui est possible, mais je pense pas vraiment que ça aurait fait ça. Je pense juste que, justement, là, ça aurait juste fait que beaucoup de personnes au Québec auraient été vraiment, vraiment outrées de ça. Puis, je veux dire, en même temps, c'est légitime, là, parce que c'est une représentation qui c'est sûr, aurait été problématique. Je me pose même pas la question, là. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Pour faire une petite parenthèse, je suis présentement en train de jouer à travers Siphon Filter 1 et 2. Je m'apprête à faire le 3 bientôt. J'ai une PSP un peu trafiquée, genre sur laquelle les jeux de PS1 roulent comme extrêmement bien. Et je ne doute aucunement que la représentation du FLQ dans Siphon Filter 3 aurait pas été particulièrement intéressante ou tridimensionnelle. Je sais que c'est pas exactement le sujet de l'émission, mais on peut juste en parler un petit peu pendant comme 10 minutes. Les fictions militarisées, on aimerait penser que ben ça nous ferait réaliser des affaires, mais en fait c'est des outils de propagande. Ça représente la culture d'une manière, justement, on a mentionné le mot hégémonique. Ça recentre des stéréotypes malsains quand même. Mais même jusqu'à très très récemment, parce que là ils viennent de fermer des serveurs, il me semble, mais l'armée américaine avait un outil de propagande et de recrutement là, qui s'appelait America's Army, jeu de tir gratuit là, pour t'entraîner, grosso modo. Puis c'est tout récent qu'ils l'ont fermé, là, donc ça a été utilisé direct. Là, le but, c'était, ah, t'aimes ça jouer à Call of Duty ou t'aimes jouer au jeu de tir, ben, joue à ce jeu-là, puis viens nous rejoindre dans l'armée américaine. C'est quand même impressionnant. C'est pas la première fois non plus que l'armée fait affaire avec ça, là. Il y avait le créateur de Battlezone, un jeu de tank sur Atari, qui s'était fait demander de faire une version modifiée pour entraîner des pilotes de chars d'assaut dans l'armée américaine, là, qui sont un petit peu plus précis. En fait, je sais pas trop comment je me sentirais à savoir que mon partenaire qui conduit le char d'assaut est entraîné sur un jeu d'Atari qui est juste fait de quelques lignes vertes, là. Mais ça a fonctionné, tu sais. L'armée était proche du jeu vidéo pour ça aussi, puis ça a toujours été proche là, des stéréotypes de de pouvoir, là, vas-y, ben, tu sais, historiquement, justement, comme on a un peu mentionné plus tôt, le lien entre les jeux vidéo puis l'armée ont vraiment été forts, parce que, tu sais, une des choses qui commence l'histoire, tu sais, du computing, des ordinateurs puis tout ça, c'est justement des demandes après la Deuxième Guerre mondiale d'essayer d'expandre ça, tu sais, parce qu'on se rend compte à quel point c'est utile, tu sais. Fait que la plupart des jeux qui sont développés au tout début, c'est pour tester les ordinateurs, pour voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. On leur fait faire des affaires qui sont pas supposées jusqu'à temps qu'ils brisent, pour essayer de voir justement comment qu'est-ce que ça peut faire. T'sais, c'est ça les premiers jeux vidéo, ou jeux d'ordinateur, peu importe comment on veut les qualifier. Mais justement, ça, c'était souvent très très lié à l'armée, justement, qui était ceux qui faisaient ces choses-là. Puis aussi, faut pas oublier que ben des médias ont justement des liens avec l'armée. Les films de guerre, là, où il y a des gros tanks pis des affaires de même, là, ils ont pas eu leurs gros tanks pis leurs gros guns de même, là. Ils les ont eu par des ententes avec l'armée. Ben, c'est un peu la même chose avec certains jeux de tir, parce qu'on va demander soit des contracteurs, soit des contracteurs militaires, soit justement du monde qui est dans l'armée, peu importe. Fait qu'il y a encore ce lien-là qui est là, t'sais. Il est pas disparu, il vient pas de nulle part, il est toujours été là. T'sais. Fait que pensez-y, là, quand vous regardez un film ou quand vous jouez à un jeu qui a des gros guns puis tout ça, puis il y a bien des petits détails, il y a des bonnes chances que l'armée ait participé. Puis en général, quand tu participes, je dis en général, mais on va pas mal dire tout le temps, il y a une petite clause de faut qu'on soit d'accord avec ce qui se passe, t'sais, dans le jeu, la manière que les choses sont représentées puis tout ça. Fait que moi, faut pas oublier ça. C'est avoir un esprit critique par rapport à ça, parce que c'est toujours là. Fait qu'il faut toujours être capable d'en prendre puis d'en laisser par rapport à ce qu'on consomme, que ce soit film ou autre média, là, jeux vidéo, peu importe. Ouais, les fictions militarisées ont tendance à aplanir l'histoire. Fait que, on pense, t'sais, un des exemples, au cinéma qui vient de sortir tout récemment, Top Gun, Maverick, ces films-là sont pas possibles sans les investissements massifs de l'armée américaine. Pour eux autres, c'est des outils de recrutement, et c'est pour avoir l'air bon aussi. Ah, ce qu'on fait, c'est bon, viens piloter des gros avions. C'est comme un jeu vidéo, man, tu vas voir, c'est le fun. Mais un bon exemple, c'est les pilotes de drones. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? C'est tellement proche d'un jeu, pis c'est tellement wrong pour ça, pour toutes les raisons, justement. T'sais, t'as quelqu'un devant un écran qui pilote quelque chose, qui tire sur du vrai monde avec des vraies balles, des vraies bombes. C'est malheureux. C'est malheureux, mais après ça, quand t'es quelqu'un, mettons, que joue à beaucoup de ces jeux-là, mettons, de simulation de vol, etc., t'es vraiment bien placé pour contrôler des choses dans le genre. Ouais, malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. T'sais, autant qu'on a des petits jeux totalement anodins, genre Candy Crush, ça, qui, là, je sais, il pourrait peut-être avoir une métaphore militarisée qui pourrait être faite avec ça, mais mais tu sais, c'est vraiment abstrait, mais après ça, t'as des choses vraiment vraiment directement qui viennent plutôt directement de cette relation-là entre jeux vidéo et armée, qui est pas toujours là, mais qui est assez fréquente. Mais l'histoire du jeu vidéo, ou l'évolution du jeu vidéo, là, elle a été beaucoup propulsée par ça. C'est dans Digital Play, il me semble, qu'il appelle la masculinité militarisée, là. On a des gros fantasmes de puissance, là, qu'on donne aux joueurs, puis c'est des personnages masculins super forts qui vont être baveux, là, avec les autres personnages faibles, puis on a plein de gars. On regarde Contra, là, les gars musclés avec des fusils partout, on va aller sauver la personne en détresse, la femme en détresse, là. C'est toujours une princesse ou c'est ça, une femme menacée qui est pas capable de se défendre. Avec là, l'homme est puissant, il est militarisé, il y a des armes, puis on va tout péter dans le jeu à cause de ça. Puis là, des exemples comme ça, là, il y en a plein. Là, l'histoire du jeu a évolué sur cette traque-là pendant un bout. Là. La technologie augmentait pour avoir des bonhommes avec plus de guns. Grosso modo. Puis les deux types de guns, les armes à feu, puis les gros bras aussi. T'sais, la représentation, c'est justement là, hyper masculine, vraiment comme. C'est ce qui est intéressant, parce qu'en plus, quand on retourne un petit peu à parler d'histoires plus locales, ou des histoires plus ignorées,

c'est des jeux à base textuelle souvent. Plus visual novel. Ouais, c'est ça. C'est souvent comme mis de côté par les vrais gamers, peu importe ce que ça veut dire. T'sais. C'est ça qui est intéressant aussi, puis je trouve que c'est ce qui est très limitant, dans le fond, aux jeux vidéo, tu sais. De voir le jeu vidéo juste, admettons, comme des jeux de combat ou des jeux de tir, des choses comme ça, tu sais. Ça te limite tellement sur ce que tu peux faire, puis les choses absolument merveilleuses que tu pourrais faire avec ce qui englobe le jeu vidéo, justement, que ce soit des expériences plus textuelles ou pas, tu sais. Puis surtout que les jeux textuels, ça existe depuis les tout débuts des jeux vidéo. Là, on pense à Zork, par exemple, ou, tu sais, des choses comme ça, là, qui ont toujours été là. Fait que, tu sais, de dire que ça, c'est pas un vrai jeu vidéo, c'est probablement une des plus grandes ironies. Puis ça te montre aussi comment, justement, il y a beaucoup de real gamers, là, avec des gros guillemets. Là, on me voit pas, là, mais je pense que je pourrais pas faire les plus gros guillemets avec mes doigts présentement, là. C'est tellement ironique, puis de voir qu'ils ont aucune connaissance, dans le fond, de ce qui est l'histoire du jeu vidéo, puis de l'histoire en général. Parce que quand tu cherches, quand tu grattes juste un petit peu, tu te rends compte extrêmement rapidement que les jeux à base textuelle, il y en avait beaucoup au début de l'histoire du jeu vidéo. Puis de dire que c'est pas des jeux, c'est un petit peu... Je vais laisser les gens décider du mot que je pensais dire. Enfin, un peu de mystère. C'est un peu wacky, ouais. Exact. C'est exactement le mot. Donc, Danny, toi, tu travailles sur une méthodologie pour la préservation des jeux vidéo, si j'ai bien compris? Ouais, j'essaie de développer une approche holistique, si on veut, qui peut être adaptée puis utilisée dans plusieurs contextes pour le jeu vidéo, parce qu'évidemment, vu qu'il y a plusieurs types de jeux vidéo, vu qu'il y en a des gros, des petits, des plus complexes, des moins complexes, il faut des méthodologies puis des façons d'approcher différentes pour être capable de capturer toute la chose. Quand on dit holistique, moi c'est un mot avec lequel je suis familier, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, puis surtout dans le contexte de la préservation du jeu vidéo? Ben, c'est un peu ça ce que je décrivais, dans le sens où c'est une approche qui pourrait être utilisée pour en préserver plusieurs types de jeux, mais aussi pour pouvoir préserver le jeu en gaming dans son ensemble. Tu sais, je veux dire, le jeu, comme on disait, c'est pas juste une technologie, c'est un art, c'est aussi... ça s'inspire de tellement de choses. Ça s'inspire de types de jeux qui existaient avant. Mettons, Donjon Dragon est un bon exemple. Donc, les jeux de table, les jeux de rôle, ça s'inspire du cinéma, ça s'inspire de la littérature, ça s'inspire de tellement de choses. Puis ça englobe tellement de différentes expertises, puis différents types de choses, que ce soit justement la programmation, puis tout ce que j'ai nommé avant. Puis après, évidemment, une expérience, parce que un jeu, c'est fait pour être joué, et donc l'expérience des joueurs. J'essaie de développer une méthodologie qui va nous permettre le plus possible d'essayer de faire une préservation qui englobe un peu tout ça le plus possible. Puis aussi, tu sais, chaque, mettons, institution patrimoniale va avoir son propre focus. Si on prend un exemple sur le MoMA, qui est le Museum of Modern Art à New York, eux, c'est un musée de design. Donc, eux vont focusser sur le design. C'est correct, mais il y a des places, justement, qui vont focusser sur d'autres choses. Ça, justement, avec ce que j'essaie de développer, puis en essayant de me concentrer surtout sur l'expérience du joueur, ou du moins comment l'expérience des joueurs là-dedans, j'essaie de faire une méthode où, justement, on va pouvoir regarder toutes les choses qui sont disponibles, puis dire, bon, ben moi, maison, je suis focus sur le design, qu'est-ce que je peux utiliser dans cette méthode-là qui va s'aligner avec ce que je veux faire, ben, il y a ça, voilà ce que je vais faire. T'sais, c'est un peu ça que j'essaie de faire, parce que présentement, il n'y a pas de méthode, en fait, pour la préservation du jeu vidéo. Je vais donner un bon exemple. Je travaille sur un projet d'archivage du jeu vidéo québécois. On a contacté plein d'experts dans le domaine, puis on leur a dit, hey, comment est-ce que vous faites pour capturer des expériences de jeu, mettons, est-ce que vous le pluguez, mettons, des consoles directement dans un ordinateur avec une carte de capture? Est-ce que on vous filme l'écran? Comment vous faites? Puis tout le monde un peu shrug, puis a fait, ben, nous autres, on fonctionne comme ça. Il y a pas de manière de l'approcher unique. Puis ça, c'est sûr que ça va toujours varier de toute façon. Mais il y a pas d'un peu de même de si me permettez l'anglicisme, de guiding principles pour essayer de faire ça vraiment. Fait que c'est un peu là que j'essaie de m'aligner pour essayer de commencer un peu ça. Puis il y a beaucoup de monde qui disent que c'est un problème, mais moi j'essaie de dire un peu bon ben voilà un début, puis prenez peut-être ça pour essayer de développer votre propre méthode, vos propres approches, puis voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas là-dedans. Que ce soit un succès ou un fail monumental, moi si ça foire, c'est pas grave, ça fait commencer une discussion. Fait que, autant là, ça va avoir fait du bien, t'sais. Est-ce que avec la méthodologie, il y a un aspect de capturer l'authenticité de ce qu'un jeu pourrait être? Oh boy, là on rentre dans les grosses discussions, surtout moi avec en tant qu'historien public, parce que ma formation est vraiment focus beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui est un peu, tu sais, qu'est-ce qu'on veut dire par authenticité, parce que ce terme-là est un peu mis un peu partout, puis on le définit plus ou moins. J'aime faire la distinction entre exactitude puis authenticité. C'est pas la même chose. T'as une représentation un peu d'exactitude, puis en anglais on utilise le terme accuracy, historical accuracy. Qui justement, tu sais, c'est par exemple dans un film, est-ce que c'est exactement les couleurs des vêtements sont exactement la bonne chose? Est-ce que c'est vraiment exactement les mots qu'ils utiliseraient à l'époque et tout ça? Ou est-ce qu'on va avec une authenticité qui est plus comme un sentiment? Est-ce que ça feel real? T'sais? Est-ce qu'on a l'impression que c'est parce que ça nous donne une certaine illusion de ce qui était réel? Puis pour moi, l'authenticité définie comme ça est beaucoup plus importante qu'une certaine exactitude. Parce que l'exactitude, on pourra jamais la capturer au complet. C'est impossible. Mais si on est capable d'avoir assez pour recréer une certaine authenticité, donc plus un sentiment de réel, je pense qu'on a probablement plus une méthode qui va être beaucoup plus applicable. Qu'on va pouvoir utiliser, puis pas juste dire comme ah ben c'est pas parfait, fait qu'on laisse faire, tu sais. C'est important de se laisser une marge de manœuvre, parce que quand on fait de l'histoire, comme j'ai dit plus tôt, on est toujours en train de jouer avec, tu sais, des données partielles, avec des trous, avec des interprétations. C'est la nature de ça. On représente pas le passé comme il était. Mais du moment qu'on est au courant justement de ces biais possibles là ou de ces trous là, comme on le sait que c'est pas exact, qu'on n'est pas accurate. Puis on sait que ça peut causer des trous, des petites distorsions, mais là, on le sait. Donc on peut, dans notre interprétation, ben là, on est au courant, puis on peut le mentionner, puis on pourra jamais être complètement exact, mais on a quand même été capable d'offrir aux joueurs quelque chose qui s'approchait là, d'un feel de l'époque, d'un feeling de l'époque. Fait que son témoignage ou toutes les données qu'on va en sortir, ben on est capable d'avoir quand même une certaine authenticité, mais une certaine se rapprocher de la réalité ou une certaine confiance en les données qu'on va ramasser. C'est ça, en fait. Un intervalle de confiance dans ton expérience de jouer à tel jeu. Parce que c'est important d'aller vers quelque chose comme Danny propose, ce que Danny veut faire, parce que pour l'instant, si on veut aller étudier le jeu vidéo, ben il n'y a pas eu de méthodologie, fait qu'on s'en va fouiller. Là. On va regarder sur YouTube qu'est-ce qui a été fait, on va aller se promener dans les wikis ou des forums ou des guides qui ont été faits, des let's play ou des speedruns. Simon Dor appelle ça les archives vidéoludiques. Simon Dor qui est mon superviseur. Appelle ça les archives vidéoludiques, qui sont les traces de jeux d'autres joueurs, mais sont toutes pas été faites avec une méthodologie parfaite ou une méthodologie fixée. Là. Donc là, tout le monde s'enregistre différemment, vont commenter différemment. Des fois, il y a une caméra au visage, des fois, il y a une caméra aux mains, surtout quand on regarde des speedruns de haut niveau. Donc, c'est plein de petites traces différentes, recueillies de façon différente, mais pour tout ce qui a déjà été fait, ben c'est ce qu'on a comme trace, donc on va utiliser ce qu'on peut. Mais si à un certain point on est capable d'avoir aussi une panoplie de traces ou d'enregistrements ou de data qui a été faite avec une méthodologie un peu plus précise, qui est plus facilement réplicable là, qu'on peut refaire. Mais là, on va avoir quelque chose d'un peu plus fidèle ou peut-être d'un peu plus solide. Est-ce qu'il y a comme un aspect méthodologique, vu que ça ramasse comme plein de sources qui ont été faites de manière comme un peu différente? Je sais pas ce que je veux dire par méthodologique. Ça me semble juste un mot cool à utiliser. Ben, quand on est obligé d'aller chercher justement ce qui a déjà été fait, ben là, on peut même justement essayer de se trouver, se faire une espèce de... Si je veux faire du pouce sur la méthodologie, là, de se donner une méthodologie de qu'est-ce qu'on va regarder comme archive qui a déjà été créée, là, il y a peut-être une façon de au moins un peu filtrer à l'entrée qu'est-ce qu'on va regarder. Mais c'est quand même du matériel super super important, mais du matériel utilisable, là, puis qu'on faut pas mettre de côté parce que ça a été fait par les joueurs, puis c'est quand même de l'expérience, puis des témoignages, puis les émotions des joueurs, donc c'est pas à mettre de côté, puis c'est ce qu'on a en ce moment. Puis là, encore là, si je veux faire le pas au complet vers, mettons, une méthodologie plus de mon côté dans mon projet, c'est si on retourne à une époque avant Internet, là, avant qu'il y ait des forums de discussion où tout le monde parlait de leur expérience avec un jeu, ou avant qu'on ait des vidéos sur YouTube, là, des let's play, puis des critiques, ben là, on commence à avoir de la misère à trouver des traces de comment les joueurs ont joué à Super Mario Bros. 2, justement, à l'époque qui est sorti, tu sais. Avec ce que Danny cherche à faire, là, tu peux me corriger aussi si je me trompe, mais tu sais, ça va quand même chercher ces expériences-là, mais après coup, fait que là, c'est pour ça qu'on dit que ça peut pas être complètement exact. Fait qu'il y a comme deux niveaux, là, entre essayer d'aller chercher, d'archiver des jeux qui sont sortis depuis longtemps, mais qu'on avait peut-être pas du data assez fidèle ou du data bien ramassé. Mais là, moi, je vais juste chercher les souvenirs des gens, puis je vais aller voir comment ils se rappellent de leur expérience à l'époque, disons, grosso modo. Ouais, je pense que toi, c'est parce que ton approche est vraiment plus comme ciblée, dans le sens que tu vas chercher ça en particulier, tandis que moi, c'est ouais. C'est une chose qui fait un peu partie des autres choses, dans le fond, où moi, j'essaie de prendre ça. Quelque chose de spécifique, mais aussi le mettre un peu en conversation avec d'autres affaires, avec d'autres méthodes, etc., t'sais, parce que, oui, je veux dire, de toute façon, tout est un peu après coup, là, quand tu fais de la recherche historique, là, t'sais, à moins que tu commences à dire à du monde, OK, le prochain jeu que vous allez acheter, mettons, tout le monde qui va acheter le prochain jeu qui va sortir, je sais pas moi, là, ouais. Elden Ring 2, par exemple, là, puis là, on va tous s'installer puis commencer à filmer votre première expérience. Ben là, ça serait sur le coup, puis encore, là, je veux dire, on va avoir une expérience qui va être très spécifique de ces gens-là, puis tout ça, t'sais. Fait que tout est top. Quand tu fais l'histoire, c'est toujours après coup. De toute façon, la plupart des historiens aiment pas ça toucher à des choses, à moins que ça fasse 20 ans que ça soit sorti. Je trouve ça un petit peu ridicule. Ça c'est moi. Mais justement, tu sais, tout ce qu'on fait est toujours après coup. Fait que c'est juste à quelle distance on est. T'sais. Plus on est loin, plus c'est vrai que ça nous permet d'avoir un certain recul par rapport aux choses, parce qu'évidemment, quand les choses sont encore en développement, ça se passe tellement vite, qu'il y a tellement de choses qui se sont passées que des fois, ça devient difficile de gérer tout ça, puis de comprendre tout ça, puis d'avoir des interprétations un peu plus... je sais pas moi... sujet, disons, à changement. T'sais, si toi, t'es en train de changer la manière que t'interprètes des choses en même temps, ben ça va être aussi plus complexe d'essayer d'avoir une bonne idée. T'sais. Tandis que quand la poussière est retombée, ben là, c'est un peu plus facile. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas, de bénéfice à faire ça sur le coup en même temps. Je pense juste que c'est des aspects différents, pis ça va t'amener des choses différentes. T'sais, si je prends l'exemple du journaliste, par exemple, il y a beaucoup d'historiens qui s'amusent à dire que le journaliste est un peu le premier brouillon de l'histoire, tu sais, ou le brouillon de l'histoire. Parce qu'il y a quelqu'un, au moment, qui écrit quoi sur ce qui s'est passé, puis après ça, les historiens plus tard vont prendre ça, puis faire le tri un peu de tout ça avec d'autres sources, avec ce qui s'est dit dans les articles de journaux, etc., tu sais. Puis qui vont avoir peut-être une vision un peu différente avec le recul, avec la distance, puis avec aussi une vision un peu plus globale de la chose, t'sais. Ce que je trouve intéressant des jeux vidéo, c'est que c'est pas des objets fixes. Surtout maintenant, les jeux comme service sont sujets au changement autant d'un point de vue de ce qu'une compagnie recherche à faire que les pressions des joueurs et joueuses qui eux autres ils veulent avoir une expérience particulière. Les jeux sont toujours un peu en en conversation avec l'histoire, parce que on a tendance à vouloir les changer, et ils changent eux-mêmes, notre relation avec ça, avec le matériel change. Est-ce que il y a un intérêt à préserver, admettons, genre Elden Ring 2, genre, dans son effet, genre, sur la population, sur une durée déterminée par rapport à ses patchs? Qu'est-ce qu'une patch, qu'est-ce que la nouvelle patch de Counter-Strike va changer dans le méta? Ben, ça fait partie des gros gros défis de préservation parce que les jeux sont ultra fluides puis ils se transforment. Là. C'est dans les questionnements de plein de gens. Est-ce qu'on faut préserver les patch notes si on essaie de préserver des jeux? Puis là encore là, avec des jeux qui sont presque seulement disponibles en ligne, ça devient un peu plus compliqué. Si je regarde, je me rappelle plus du nom, ça va mal. En tout cas, un jeu roguelike là, qu'il y a eu une patch à un moment donné qui a vraiment changé tout le jeu. Il a changé beaucoup de comment qu'on fait les dégâts, puis il a changé la difficulté pas mal. Il a ajouté des petits trucs. Mais ça, tu pouvais avoir la version physique pour ta Switch. Si tu l'as acheté là ou si tu l'achètes plus tard puis que t'as pas téléchargé les patchs, ben tu vas avoir une expérience quand même plutôt différente de quelqu'un qui l'a joué une fois qu'il a eu toutes les patchs. Mais là, dans le futur, on n'a pas accès à ces patchs-là. Ça sera peut-être même plus téléchargeable. Donc là, il va y avoir un problème aussi où il va y avoir des visions différentes de gens qui vont peut-être avoir joué au jeu et qui vont dire « Ben, c'était pas mon expérience ça, ou j'ai pas joué à ce jeu-là, ou je l'ai pas vécu de la même façon. » Donc, faut se questionner sur qu'est-ce qu'on préserve. Mais là, comme Danny disait, on peut pas tout préserver non plus, là. Si on se met à essayer d'avoir une version jouable de toutes les versions patchées d'un futur Elden Ring, ou juste de Elden Ring là, qui a quand même évolué là, depuis le début, avec des patchs qui ont changé les comportements de boss assez drastiquement, on finira plus. C'est là aussi l'important d'avoir aussi à côté soit les patch notes, mais des articles sur des sites de jeux vidéo qui vont dire « ben il y a ça qui a changé », ou des forums, ou les critiques là, de Steam ou peu importe, là, dans les forums de gens qui ont dit « ben, j'ai joué de cette façon-là où le jeu a changé ou est plus facile, puis là, moi, j'ai passé le jeu, mais avant tel patch. » Là, en plus, ça va nous donner un beau portrait de la culture parfois toxique du jeu vidéo, là, où les gens vont se dire « tu l'as pas passé comme faut, t'as eu la version facile, puis tout ça. » Fait que ça revient à quand je parlais d'une toile puis de dresser un portrait global, mais c'est tous des petits trucs qu'il faut avoir pour avoir... pour dessiner le contexte du jeu puis avoir un portrait qui est plus complet, parce que si tu fais juste popper un jeu que tu sais pas trop quelle version qu'il y a, ben t'es loin d'avoir l'expérience totale, complète ou une expérience fidèle. Est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être capturé essentiellement? T'sais, qu'est-ce que t'es, l'expérience complète d'un jeu, admettons, t'es dans sa première patch, sa deuxième patch, c'est... Qu'est-ce que ça change de comme conserver ça par rapport à juste comme le contexte historique et la technologie d'un jeu? Ben, c'est une question que le monde qui font de la préservation se pose aussi. Ben, c'est pour ça que je dis justement d'avoir plein de choses autour pour peu importe quelle version tu vas avoir eu ou quelle version tu vas avoir préservée. C'est pour ça que moi, j'ai comme un recul aussi. Tu sais, je suis collectionneur de jeux, puis quand j'ai fait mon mémoire, j'étais vraiment plus militant de on conserve tout, puis on veut tous les jeux, puis faut qu'on puisse jouer à tout. Que finalement, comme je pense que James Newman a fini par dire ça, là, laissons les jeux mourir. C'est lui qui commençait comme son livre en disant les jeux vont disparaître, là, mais tu sais, on peut les laisser mourir, c'est pas grave, tant qu'on a des histoires à propos du jeu. C'est comme quand je disais aussi, l'histoire, c'est pas le passé. L'histoire, c'est des histoires à propos de ce qui s'est passé. Mais tant qu'on a des récits, des histoires, puis de la documentation sur ce qui s'est passé, puis comment le jeu a été fait, puis comment le jeu a été vécu, déjà là, on a un portrait historique de c'était quoi Elden Ring. De toute façon, pas besoin de jouer Elden Ring pour savoir que c'est un jeu pas fair qui est trop tough pour arriver. Bon, ok, je sens un petit peu de salt venant d'Adam, là, mais ça, c'est une autre chose. Oh, mais je l'ai passé, là, fait que j'ai le droit de... Mais si je peux faire un parallèle un peu avec ce que tu disais, qui va peut-être éclaircir un petit peu les choses, c'est moi, un exemple que j'aime bien donner, puis je retourne, dans le fond, à mon expérience que j'ai eue en travaillant au Musée des sciences et technologies du Canada. c'est dans leur collection, eux autres, là, ils ont des voitures, ils ont des locomotives, ils ont une partie de réacteur nucléaire. Est-ce qu'on a vraiment besoin que la locomotive roule pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'on aille vraiment préserver l'histoire du train au Canada, par exemple? Le réacteur nucléaire, faudrait-tu qu'il l'ait conservé dans son entièreté, puis qu'elle soit fonctionnelle pour que ça soit préservé? Non. Je veux dire, un, c'est impossible. Deux, on veut-tu vraiment que le réacteur nucléaire soit encore fonctionnel dans leur collection? Non. Ça marche pas, là. Fait que justement, tu sais, on n'a pas besoin de toutes les versions, même les versions quote-unquote originales, tu sais. De toute façon, qu'est-ce qui est original? On peut rentrer dans une grosse discussion, là, parce qu'à quel point on remonte et à quel point on décide d'arrêter, parce que justement, tu sais, mettons James Newman que tu mentionnes, il prend l'exemple de Donkey Kong, tu sais, où il dit, c'est quoi l'original de Donkey Kong? C'est-tu sa version en arcade? OK. Mais c'est-tu le prototype? Puis moi-même, j'ai poussé, dans ma thèse de maîtrise, j'ai poussé un petit peu plus loin, je fais comme, ouais, mais si on continue avec cette même logique-là, tu sais, on lui va, c'est-tu le prototype? Ben, c'est quoi d'abord Donkey Kong? C'est-tu le petit dessin random que quelqu'un a fait sur une napkin quand il a eu la première idée? Ça, l'original de Donkey Kong? Bon, ça serait pas le jeu original, mais l'idée de Donkey Kong, ce serait tout ça, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il faut juste se mettre une limite parce que c'est facile de perdre le contrôle, tu sais. Fait que, selon moi, justement, tu sais, là, ça, c'est quelque chose que, justement, une institution patrimoniale doit se poser la question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'est utile? Tu sais, il n'y a pas de réponse, dans le fond. C'est juste, à un moment donné, faut juste faire un choix. Qu'est-ce qui m'est utile, puis qu'est-ce qui existe encore aussi, tu sais. Parce que justement, tu sais, si on est capable de trouver, mettons, le prototype de Donkey Kong, ok, ben peut-être que ça va être ça que tu vas préserver. Mais tu vas garder aussi plein d'autres choses autour pour être capable, justement, de préserver le jeu. Tu vas pas préserver, par exemple, toutes les bandes d'arcade de toutes les versions qui ont existé, là. T'sais, même chose que pour certains jeux, tu préserveras pas toutes les versions qui sont sorties. Tu sais, il y a des jeux qui sont sortis qui avaient des bugs, puis finalement, les versions qu'on suivit, même si on n'a pas nécessairement publicisé ça, on a fait des « patchs », entre guillemets, dans le fond, qui n'étaient pas nécessairement autant fréquentes que maintenant, tu sais. Où là, on sort des « patchs », le jeu sort, il y a déjà une « patch » dans lignée pour quand tu vas l'installer, tu sais. fait que l'affaire, c'est que c'est justement, c'est pas faisable de préserver toutes ces versions-là. Fait que t'as pas le choix d'y aller justement avec d'autres types de matériel, comme par exemple les patch notes que Adam mentionnait. Fait qu'à un moment donné, ben, tu choisis une version, puis ben, tu y vas avec ça. Puis après ça, tu dis, ben, voilà tout le reste de l'autre matériel qui va pouvoir nous être utile pour parler de cette histoire-là plus généralement, sans pour autant être obligé de tout préserver. On va perdre des choses. C'est normal. Je veux dire, j'ai pas conservé tous mes souvenirs de quand j'étais jeune. Ça veut-tu dire pour autant que j'ai plus d'histoire, moi, en tant que personne? Non. Ça serait un petit peu une manière vraiment réductive de concevoir de ce qu'est l'histoire et de ce qu'est le passé, tu sais. Quand on parle des versions différentes, surtout pour l'ère pré-jeu en ligne connecté à Internet qui a justement une patch au lancement puis qu'il y en a aux deux semaines après. Mais comme Danny disait, qu'il y a des jeux même sur cartouche là, que éventuellement, il y a eu des modifications, puis les joueurs, on le sait pas tant, ou, tu sais, il fallait vraiment le connaître pour le savoir, ben, c'est là qu'on peut aussi se tourner à la limite vers des collectionneurs, puis eux autres les laisser faire, parce que les collectionneurs, c'est zélé, solide, il y en a qui sont assez intenses, puis là, justement, qui veulent toutes les versions d'une cassette. Puis là, les cassettes de Nintendo, je veux la version qui a 3 vis ou la version qui a 5 vis, parce que c'est pas tout à fait la même. Puis là, Zelda au 64, Ocarina of Time, les premières versions, quand tu bats le dernier boss, spoiler alert, son sang, il est rouge. Sauf que là, dans une couple de plus tard, il y a eu une autre version, mais là, son sang, il est rendu vert, parce que j'imagine c'est pour rendre ça moins violent. T'sais, du sang vert, c'est un extraterrestre ou un dinosaure, ou whatever. Mais il y a ces deux versions-là. Si t'es une institution, là, un musée, ou t'as pas besoin de ces deux versions-là. Là, on sait qu'elles existent, fait que juste ça, c'est assez, mais il y a des collectionneurs qui l'ont. Fait que limite, si tu veux faire une exposition, puis tu veux montrer puis partager ces différences-là, tu contactes des collectionneurs qui vont comme triper à l'idée de te partager, de te laisser leur cassette, là, puis tu écris le nom dans un coin pour dire que ça a été fourni par tel collectionneur, ben là, tu peux aller vers ça. Ça va t'économiser du temps, de l'argent, la place dans ton inventaire, parce qu'eux autres, ils en ont. Un autre bon exemple de ça que j'aime beaucoup mentionner, qui là, il est peut-être plus important, mais peu importe. T'sais. On passe au premier Mortal Kombat, par exemple, qui a été, entre autres, sur NES. Puis quand ils l'ont sorti sur NES, Nintendo était comme non, nous autres, on veut pas mettre de sang. C'est trop violent. Parce que Nintendo a toujours eu a longtemps eu cette idée justement de comme vouloir faire des jeux pour la famille, plus tu sais, pour tout le monde, donc pas de violence, pas de sexualité, etc. Puis des fois, il y a eu des exceptions. Là. Au 64, par exemple, il y a Conker's Bad Fur Day, si tu veux quelque chose qui est violent puis qui a de la sexualisation dedans. Oh my god, c'est là. D'ailleurs, si vous y avez jamais joué, s'il vous plaît, jouez-y, c'est épique. mais justement, le premier Mortal Kombat, ils ont changé la couleur du sang pour blanc en disant que c'était de la sueur. Bon, c'est quand même drôle. En tout cas, je passerai pas de commentaires trop là-dessus. je pense qu'on suit ce que je suis en train de m'en aller. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que oui, ça c'est intéressant parce que ça t'en dit justement sur les politiques de Nintendo puis tout ça. Mais est-ce que de préserver les versions, mettons, de la NES sont tant importantes que ça si par exemple t'avais plein de versions sur une autre console de disponible? Puis c'était super difficile de trouver une version sur Nintendo, par exemple. Ça serait-tu tant qu'une perte de pas l'avoir? Non, parce qu'on le sait que ça existait. Qu'est-ce que ça change au jeu à part que c'est blanc? Rien. Pas grand-chose. Si c'était, mettons, juste ça, parce qu'il y a peut-être eu d'autres modifications, franchement, je me rappelle pas. Mais si c'était juste ça, la modification. Il y a des fatalities différentes aussi, là, il me semble. Puis juste pour pas que dans les commentaires, le monde se garoche, c'est SNES, Super Nintendo, mais je pense que t'as dit NES. Je me suis trompé. Ben, c'est ça, c'est juste une lettre qui a pas sorti. Mais, ouais, c'est ça, c'est... Tant qu'on sait que la différence existe, on a besoin d'avoir la cassette, comme tu disais, Danny. Donc, pour en finir, si je comprends bien, la méthodologie propose une manière de faire un genre de tri ou de faire un certain... de discerner des éléments qui sont, pour un organisme qui veut faire de la préservation, ce qui est important pour eux autres. Donc, vu que c'est impossible et pas souhaitable de conserver toute la masse de comme données de première main, tout le matériel, on peut se concentrer avec une méthodologie sur les choses qu'on veut nécessairement mettre se concentrer dessus. Ben, ouais, dans le fond, parce que c'est ça, tu sais, quand, selon moi, tout est important. Tout peut avoir une utilité, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Tu sais, les fanfics fuckés de certains jeux, genre de Sonic, est-ce qu'ils sont importantes? D'un certain point de vue, oui, parce qu'ils représentent une certaine communauté qui s'est appropriée le jeu. Est-ce que par exemple pour un musée comme le musée des sciences et technologies ou le MoMA c'est vraiment important? Non. Fait que ça dépend qu'est-ce qu'on étudie, ça dépend qu'est-ce qu'on fait. T'sais, si on étudie l'appropriation des jeux puis comment mettons le jeu devient quelque chose d'autre comme par exemple des histoires des fanfictions, si on étudie la fanfiction du jeu vidéo, là c'est important. Fait que c'est ça l'affaire avec ces méthodes là, c'est qu'on veut pas dire la manière de préserver le jeu vidéo c'est celle-là. Non, ça existe pas, ça. Il y a une approche, il y a une façon de voir, il y a des choses qui vont être importantes pour un groupe ou pour un autre. Puis c'est plus là que je pense que, en tout cas, que moi je veux me diriger, puis je pense qu'il est plus important, c'est plus de dire, voilà les options, puis prenez là-dedans ce qui est important pour vous, puis là, développez un peu ce que vous voulez pour vous. Il y a pas de solution miracle, ça existe pas des solutions qui couvrent tout. Puis justement, dans cette méthode-là ou ces solutions-là, de laisser les gens aller chercher ce qu'ils ont besoin ou ce qui a un intérêt pour leur thématique, leur institution, peu importe. Mais c'est que toutes ces informations-là, une fois rendues accessibles, ben là, on en vient à aussi, là encore, je vais me répéter, mais encore à la toile, là, c'est plein de petites parties qui viennent par tout un contexte général de ton jeu qui est au milieu. Ça n'a pas besoin d'être toutes dans la même institution, dans le même musée, là, ces petites parties-là. C'est qu'une fois qu'on va les chercher un peu partout, ben là, on a un portrait général, puis on est capable de voir la culture à un certain endroit ou comment les joueurs ont reçu ça, comment il a été développé, c'est quoi le design qui va peut-être être dans un autre musée ou comment il y a eu un détournement de ce jeu-là. Donc, plusieurs petites méthodologies ou plusieurs approches tant qu'ils sont accessibles pour après ça avoir un beau portrait général de ton jeu ou de l'histoire du jeu vidéo au complet. Absolument, 100%. J'aurais pas pu mieux le dire. Bon, merci les gars, c'était super intéressant. Merci. C'était un plaisir, merci.